deux, ce sont un peu nos frérots de la Vega, nous, sauf qu'ils sont trois, donc c'est encore mieux. C'est Marco, Frisco et Jerem qui débarquent dans un instant avec aussi toute la team du 6-9. Ils sont en forme, hein, je vous préviens, même le lundi matin. Avant de leur laisser le contrôle de la radio, eh ben, on va s'écouter leur best-of. C'est le Game Song avec des paroles de chansons qui sont remplacées par des bruits d'animaux. Vous allez voir, c'est toujours très drôle. Et puis nous, eh ben, on se retrouve demain. Passez une excellente journée d'ici là. Le 6-9. 6h-9h. 6h-9h. Sur Énergie. Virginie qui vient ce matin. Bonjour Virginie. Bonjour. Salut Virginie. Bonjour. Tu nous présentes Virginie? Bah oui, Virginie travaille comme animatrice dans une ferme d'animation du côté de Wavre. Elle a un petit garçon de 5 ans qui s'appelle William. Elle fait du sport en salle et puis elle adore regarder des émissions du style Dossier Criminel sur AB3 le lundi. Ah, voilà. Ouais. C'est très émission criminelle. Oui, pour ouais, c'est un peu ça. Aussi, j'aime bien. Bonjour Virginie, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Le 6-9 ce matin t'invite pour jouer avec nous au Game Song. Le Game Song, c'est simple. On va te faire écouter des extraits musicaux. Sauf que dedans, il manque un mot, tu verras. Il y a un mot qui a été remplacé par des bruitages d'animaux, des chèvres, des ânes, de tout ce qu'on a sous la main. Oui, c'est ça. On a une ferme à côté de la radio. Et à toi de nous dire quel est le mot qu'on cherche, tout simplement. Il y a trois extraits, tu nous fais un 2 sur 3 et du cadeau pour toi ce matin, Virginie. D'accord. Voici. Concentration. Le premier extrait, je suis déjà mort de rire. C'est ça, c'est exactement ce qui va se passer. Il est magique aujourd'hui, je vous le dis. Premier extrait. Du coup, je suis au boulot là en fait. Hein. Alors Virginie, quel est le mot qu'on cherche à ton avis? Casser. Casser, on vérifie. Coupe-moi ça, c'est bon, merci de Nolwenn. Et ben, ça fait un point pour toi, Virginie. Bravo, bravo. Deuxième extrait. Deuxième extrait, c'est parti, il est magique aussi celui-là. Il n'y a plus ni futur ni plus. Il n'y a plus ni futur ni plus. Il n'y a plus ni futur ni plus. Dansez, dansez. Ses collègues doivent la regarder bizarrement. Alors, à ton avis, Virginie, quel est le mot manquant? Passer. Passer, on vérifie. Il n'y a plus ni futur ni passé. Bravo. Il n'y a plus ni futur ni passé. Il n'y a plus ni futur ni passé. Dansez, dansez. Eh ben, ça nous fait déjà 2 sur 3 les copains. Ben ouais, c'est gagné. Ça va vite, hein, sans déconner, t'as été très rapide ce matin Virginie. Bravo, c'est gagné. Ouais, super. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. C'est le 6-9. Un an de plus que je me caille, oh, oh, je meurs de froid. Oh. Un an de plus et je me taille, ouais, et je rêve de te voir les nuits sans toi, sans toi. Moi j'espérais tout bas, les nuits sans toi, sans fois revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. C'est loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Un an de plus et malgré moi, je reste loin de toi. Ah, ah, oh. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais, rien, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Toutes ces heures à te

Prêt pour le savoureux concours des maîtres boulangers-pâtissiers? N'en ratez pas une miette. Gagnez un an de pain croustillant. Info sur le sac à pain de chaque boulangerie participante ou sur maîtresboulangerspâtissiers.be. Il est 6h sur Énergie, bienvenue. Énergie. De retour pour une nouvelle semaine, lundi 15 octobre. Bonjour! Bonjour! Il est 6h, on est là au taquet avec toute l'équipe du 6-9. Les fifous du matin sont là. Il y a Tiffany au standard, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour, il y a Frisco qui est là aussi. Bonjour tout le monde. Il y a Jérém. Bon lundi. Oui, c'est ça. Bonjour Aurélie de la rédac. Bonjour. C'est quoi la météo pour aujourd'hui? Bon, on pourrait avoir un peu de pluie ce matin, mais cet après-midi. Attends, cet après-midi, retour d'un temps plus sec avec des éclaircies et des températures entre 19 et 23 degrés. Ah, il a fait très beau ce week-end. Ouais, c'est pas l'été indien, ça bien. S'appelle. C'était chouette. Je sais pas s'il est indien, je m'en fous, mais peu importe. Je prends. Qu'il soit indien ou vietnamien. Ouais. Ou tuche. Pas raciste, moi, je prends. Moi, il peut venir n'importe où, le soleil. Il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux, mon pote, t'es le bienvenu. Jonas Blue qui va arriver côté hit. On va démarrer ce lundi en chanson dans un instant. On va chanter ensemble. On va chanter le lundi. À quel point on aime le lundi. Ouais, on adore le lundi. Ça se voit, ça s'entend nos voix. Ça s'entend. On va chanter ça dans un instant avec vous. C'est le retour des crooners du 6-9 sur Énergie. On parlera d'applications aussi ce matin, des applications qu'on a sur notre GSM et qu'on a utilisées une fois. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna rise till we fall. They think we just drop out, living. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride. Clara Luciani, ça suit sur Énergie. Ça cartonne en ce moment pour elle, Clara Luciani. On fera tiens, un petit top Shazam. Ils ont fêté leurs 10 ans il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. 10 ans déjà, ouais, ouais, ça va vite. Hein. Et ben, on fera un petit top de tout ce qui a cartonné pendant près de 10 ans. En attendant, c'est lundi. Une nouvelle semaine qui démarre et on a décidé de chanter ce lundi comme il se doit. Car oui, le lundi, il faut le chanter, il faut le vénérer, il faut l'acclamer, évidemment. Il faut l'accepter, surtout faire avec. Voilà, on n'a pas le choix. Et on va chanter ce lundi sur une chanson que tout le monde connaît, c'est le lundi au soleil. Sauf que nous, celui-là, il va pas être au soleil. Vous êtes prêts ? Oui. Vas-y. Les croudeurs du 6-9 sont de retour ce matin. Voici chaque lundi, c'est pareil. Regarde ton réveil, il est déjà 6 heures. Tu te réveilles très durement. Oh oui, c'est dur. T'as pas dormi de la nuit à cause de ton mari. C'est pas notre faute, tu l'as choisi. C'est une journée qui fait mal. C'est un lundi, c'est normal. Demain c'est déjà mardi. Puis mercredi, on sera vite vendredi. On veut pas du lundi. C'est un jour qui ne donne pas envie. Chaque semaine c'est pareil. On se demande bien pourquoi se réveiller quand c'est seulement pour aller bosser. De toute façon t'as pas le choix, y'a les factures à payer. On veut pas du lundi. C'est un jour qu'on n'a pas choisi. Les emboutes c'est pareil. Heureusement y'a le 6-9 qui te réveille. Ensemble pour bien démarrer la semaine. Surtout Zappa, tu verras, ce sera vite le week-end. Non, calme-toi. Il est chaud. Ouais, mais vous m'avez lancé ça. Non, surtout que c'est pas au soleil. On veut pas du lundi. On a dit non au lundi. On l'accepte. Aujourd'hui, c'est de lundi au soleil quand même. Hein. Oh, pff, ouais. Une partie. Je sais pas où tu l'as vu, toi, ton soleil, encore. Attends, il fait nuit, là, le soleil, il se lève après. Clara Luciani, on va écouter ça maintenant. Et dans un instant, on va parler de Snapcrap. C'est Tiffany qui va nous parler de ça. Je sais pas ce que c'est. Oui. J'ai peur. Bah, une super application, mais je vous en dis un peu plus juste après. J'ai peur. Dès qu'on demande quelque chose à Tiffany, je suis pas bien. 6h07 sur Énergie. Bon réveil avec nous. Voici Clara Luciani. Clean Bandit à suivre côté. Tu auras du Zayn Malik aussi ce matin. Et Louis Fancy, pas mal. Et toi, tu regardes, t'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde sous mon sang là. Déguisé au matin. mardi sur Énergie, Louis Fancy. On va écouter ça dans un instant sur Énergie. Vous avez passé un bon week-end. On va vous donner notre week-end en trois mots dans un instant. Je sais pas pourquoi, je pense que le mot vote va être un peu dans tous les week-ends de tout le monde. Je sais pas pourquoi, je sens que tout le monde s'est foulé ce week-end. Vote. Eh ben moi, il y sera pas. Ça sera dans un petit instant sur Énergie. On va parler de Snapcrap aussi. Une application que Tiffany a découvert. Ouais, super application, vous allez voir. C'est du feu de Dieu. Arrête, tu me fais encore plus flipper. Ouais, non, je vous jure. Quand... Non, mais c'est... je sais pas pourquoi, hein, on a peur quand c'est toi qui... Quand c'est moi qui prépare, ah ben oui. J'ai compris. Pas rassurant du tout. Ça sera dans un instant sur Énergie. Du coup, on parlera de ces applications qu'on a installées sur notre GSM. On en a tous une au minimum. On l'a installée. Et on l'a utilisé jamais. Ou une fois. Tu l'as ouvert, t'as dit, ah oh, ouais, c'est pourri. Et tu l'as jamais désinstallé. Elle est toujours là, quelque part, sur ton GSM. Faites le point, l'équipe. Checkez déjà vos téléphones GSM et tout ça. C'est en train de faire. Pour voir ça. On parle de ça juste après Louis Fancy sur Énergie. Bon réveil. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Peugeot présente le choix des experts. Si un expert en technologie devait choisir votre voiture de société, il opterait pour la navigation 3D connectée et les toutes dernières technologies embarquées. Il choisirait donc une Peugeot, comme votre fleet manager, mais pour d'autres raisons. Tous les experts vous recommandent Peugeot. Dans chaque segment, Peugeot vous offre des moteurs avec une déductibilité fiscale jusqu'à 90%, des avantages de toute nature avantageux et l'offre 50-50 avec 50% de remise sur 100% des options. Offre soumise à condition. Tu sais, mon fils, quand tu manges du fromage de Herve, tu manges bien plus qu'un fromage. Ah ouais ? Mais qu'est-ce que je mange alors ? Mais tu manges un patrimoine, un savoir-faire transmis de génération en génération. Tu savoures le vent, l'herbe et le lait du pays de Herve. Mais regarde-moi cette belle croûte orangée, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah quoi ? Enfin, avec un fromage pareil, fiston, bois une bonne bouteille, pas de la limonade. Le fromage de Herve, carrément incontournable, avec le soutien de la PACW. Si vous avez des applications inutiles installées sur votre GSM, on va en parler dans un petit instant. Après Louis Fancy, il y a un petit point sur les routes à 6h13, Aurélie. Et il y a déjà 37 minutes d'embouteillage, enfin 37 minutes en plus à compter entre Stockholm et Sterpenich. C'est sur le 411. Ah là là. On est mal. Courage à vous, les copains. Heureusement, le système est là. Aïe. Bailalo. Bump on the rhythm, bump on the bassline. Confident, you never get declined. Man, come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Tanto que asusta, sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta, bebiendo fuego en el suelo, gritando estrella en el cielo, y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, te daré. Calypso, un, dos, tres. Calypso, un, two, three. Calypso, one, two, three. Calypso, te daré. Con un poquito de cerrón en tu boca, no tan poquito pa' que te vuelva loca. daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, deux, trois. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. For the world. Orsay sur Énergie, on écoute Clean Bandit. C'est ce qui arrive pour vous réveiller ce matin. On écoute ça sur Énergie. Avant ça, on va laisser l'émission entre les mains de Tiffany. Oui, oui, oui. Oh là là, t'es sûr ? Et là, et oui, je sais pas si c'est une bonne idée, non, surtout le lundi. Nous allons parler de cette application Snapcrap. Oui, je ne connais pas du tout. Snapcrap. Eh ben, ça vous est déjà arrivé de marcher dans une crotte ? Oui, ouais. Oui, on dit que ça porte bonheur. Moi, personnellement, à part en mettre partout, ça m'a jamais rien apporté. Et bien là, on est tombé sur un génie à San Francisco, aux États-Unis. Le gars a créé une application qui permet aux citoyens de recenser les déjections sur les trottoirs des rues. Ça s'appelle Snapcrap. Donc, c'est comme Snapchat. Ça permet aux utilisateurs de photographier les crottes qu'ils rencontrent et de les poster directement sur. Enfin, ça les envoie directement au service de nettoyage de la mairie. Et alors, en fait, on peut croire que c'est juste pour débarrasser la ville des crottes de chiens, mais. En fait, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que ça manque de toilettes publiques à San Francisco. Et donc, généralement, les habitants font dans la rue si jamais ils sont pressés. Et donc, du coup, ça permet... Oui, non, il n'y a pas que les chiens. Donc, Quand je vous dis que ça fait peur de laisser la main à Tiffany. Du coup, je suis tombée sur cette application et j'étais un peu sur le... Sur ton pet. Ouais, voilà. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Snapcrap. Donc, une application de merde, quoi. Enfin, ouais, exactement. Sans mauvais jeu de mots. L'application qui sert à rien par excellence. Ouais, on en a tous une sur notre GSM. Je suis en train de regarder. J'ai pas tant d'applications que... pourri que ça, mais il y en a quand même. Jérém, c'est quoi ton application inutile par excellence que tu as sur ton GSM ? Alors, il faut que je la retrouve, parce que justement, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, justement, attends. Mais c'est une application de quoi ? Alors, c'est une application qui t'apprend des trucs. Ah voilà, je l'ai, attends, je l'ouvre. Les savoirs inutiles. Donc je l'ouvre, je vais vous lire le premier truc. Déjà, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Quoi ? Le champion du monde actuel de Scrabble francophone, Nigel Richards, ne parle pas français. Wow, c'est super, dis-moi. Ah, ça m'a fait ma journée là. Mais t'imagines que c'est le champion du monde en Scrab francophone et le mec parle pas français, quoi. Ce qui est dingue, c'est que le mec il s'étonne de ça et dit mais non, mais tu te rends pas compte, attends, mais c'est quand même incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que là il redécouvre cette application et il va dire ouais, non, je vais pas la supprimer, elle est bien finalement. C'est une fois par an que je fais ça. Attends, un Big Mac plus une grande frite plus un grand soda, 220 calories et. Égal à 1157 calories, Frisco, t'imagines ? Non. Ça tout va. Ça, 1157 calories ? Ouais, ça un va. Big Mac plus une grande frite plus un grand soda. Mais t'as ton apport pour la journée avec c'est ça. Ouais, c'est correct. Ça, voilà, c'est une application qui t'apprend des trucs. Les Russes ont créé une centrale nucléaire flottante. Frisco, quelle est l'application inutile que tu as sur ton GSM ? Fitness. À fond. Tu sais, c'est des trucs où ils te disent là, en 7 jours, tu perds du poids, etc. 7 minutes d'entraînement par jour, tu vois. Sauf que moi, je l'ai téléchargé, je l'ai jamais ouvert. Il faut créer un compte. J'ai fait, oh, c'est bon, c'est pour créer un compte. Trop fatigué. Ouais, c'est ça, quoi. Je suis déjà fatigué avant de la commencer. Et toi ? Moi, c'est Facebook. Ça sert à rien. C'est vrai ? Non. Non, c'est bête ou quoi ? Non. C'est tout le temps de Ben même pas pour les vieux maintenant Facebook. Non mais c'est un truc, c'est Smool, ça s'appelle Smool. Si je vois c'est. Et quoi ça, elle marche même plus alors. On s'était pris un délire l'année passée, c'est une application pour chanter. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des nouveautés sur la nouvelle version pour dire à quel point j'ouvre souvent. et donc oui, c'est ça, il faut chanter, je réouvre. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais des duos avec des stars. Et tu fais des duos avec des stars. Alors genre je vais mettre sur quelqu'un qui a fait un truc. Voilà. Par exemple, ça, ce sont des gens qui ont fait un duo. Mais est-ce que tu crois franchement que j'ai envie d'écouter ça ? Hey, hey. Ouais, c'est bizarre. Oh là ! C'est un genre de réseau social. Oh là là, c'est quoi ça ? Oh mon Dieu. Je désinstalle ça immédiatement. Ouais, merci. Est-ce que vous savez que Napoléon mesurait 1m69 ? C'est une taille supérieure à la moyenne de l'époque. C'est fou, hein ? Super. Ah sinon, j'ai une superbe application, c'est Balle Bouffe. C'est pour nous rendre chauves. Mais c'est quoi ? Ça rappellera des souvenirs ici. On va faire une photo tous ensemble en mode chauve. On va mettre ça sur la page Facebook Les Fifous du 6-9 sur Énergie. Venez nous voir en chauve. Ça vaut le détour. 6h21, voici Clean Bandit. take no more, no more, no more. I wanna fool, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. Since the day we parted. Touch, touch, touch. But I got nobody, so I do it so. No. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be jusqu'au bout. Hein. Zayn Sia à l'instant sur Énergie, c'est Georges Ezra qu'on va écouter juste après. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun. Georges Ezra sur Énergie, 6h27. Dans un instant, on parle. Allez voir quand même cette photo qu'on a mise sur les fifous du 6-9 sur Énergie. Sur Facebook. Sur Facebook, évidemment, l'application qui sert à rien s'appelle Bald Both. J'avais ça sur mon GSM et ça consiste en fait à pouvoir faire des photos quand on est chauve. Enfin, on comme si on était chauve. Ah, c'est horrible. Tiffany, Tiffany est... on dirait. Tu vois, dans Harry Potter, le gars avec son chat là, tu vois. Ah oui. Le concierge là. Wizard. Ou bien, je sais pas si tu te souviens. Dans les guignols même. Non, oui. Comment il s'appelle Mais si, le méchant, dans Guignol. Maz. Oui, je vois bien dans Scary, qui tu parles. Dans Scary Movie, il y avait celui qui avait sa main là. Oui. Tu sais. le mec avait une. Prenez ma main. Non, l'autre main. Microbe. Microbe. C'est l'application qui sert à rien par excellence. Venez voir ça, c'est sur les fifous du 6-9 sur Énergie. J'aime beaucoup, il y en a quand même un qui a mis un smiley vénère, c'est Nathalie. A mis un smiley pas contente. Bah oui, c'est parce qu'on a des sales têtes quand même. Allez voir ça, les fifous du 6-9 sur Énergie sur Facebook, c'est magique, ça vaut le détour. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, je vous le dis. Dans un petit instant, Georges Ezra, je vous l'ai dit, et on va donner notre week-end aussi en trois mots seulement. Pour décrire notre week-end, vous pouvez vous amuser à faire la même chose. Si vous nous envoyez ça par SMS au 3018, on lit tout ça dans un instant, c'est 25 centimes le message. Votre week-end en trois mots seulement, trois mots et on doit comprendre votre week-end. 3018 par SMS, on en parle après de Georges Ezra. Maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Tant que je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne sans attendre merci, vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis, avant d'être important soit un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Moitié à tes héritiers, offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Élue par vous, la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. Suzor 30 sur Énergie, Georges Ezra à suivre avant ça. Voici la météo pour aujourd'hui. Alors ce matin, on aura des nuages, un risque de pluie, surtout sur l'est du pays. Cet après-midi, retour d'un temps plus sec avec de belles éclaircies, des températures entre 19 et 23 degrés. L'actu de ce lundi 15 octobre avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour Marco, bonjour à tous. Ça va être très politique, hein, je vous préviens. Les citoyens ont voté hier. La grande surprise de ces élections communales nous vient d'Écolo, qui fait une véritable percée, surtout à Bruxelles. Belle montée aussi pour le PTB. De leur côté, le MR et le CDH baissent un peu. Baisse aussi pour le PS, sauf dans la capitale. Alors dans les détails, le PS est le premier parti à Bruxelles-Ville. Dans le Brabant-Wallon, le MR reste en tête, à Wavre et Waterloo. À Namur, le CDH PH et Maxime Prévost conservent la première place. Dans le Hainaut, le PS garde la tête à Charleroi avec Paul Magnette, a tourné avec Rudy Demotte à Mons. Mons qui change de bourgmestre. Elio Di Rupo laisse sa place à Nicolas Martin. À Liège, le PS a résisté au scandale Publifine. Pareil à Verviers. Et puis dans les provinces de Luxembourg, le CDH et Benoît Ludgen gardent la tête. En Flandre, à Anvers en particulier, la NVA de Bart De Wever reste le premier parti. Du côté de vos personnalités préférées, Paul Magnette bat tous les records. Il a enregistré 22 475 voix. En deuxième position, on retrouve Maxime Prévost et ses 12 825 voix. Sur la dernière marche du podium, on a Willy Demeyer et ses 11 293 voix. Vous avez aussi voté pour les provinces hier. Le MR, le PS et le CDH perdent des plumes. Malgré tout, le MR et le PS arrivent toujours en tête dans la majorité des provinces. De son côté, le PTB progresse, sauf dans le Brabant wallon où le MR domine toujours. Dans le Hainaut, le PS arrive largement en tête. Dans la province de Luxembourg, le CDH a été le parti le plus plébiscité. Dans la province de Namur, le MR reste en première place. Et en province de Liège, c'est le PS qui domine. Le 6-9 sur Énergie. C'est vraiment de la balle. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Il est 6h33, c'est lundi, une nouvelle semaine qui démarre. Bonjour. Bonjour. Dans un instant, c'est notre week-end en trois mots seulement. Il y aura Jennifer qui arrive côté IT, c'est juste après George Ezra. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. See diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Si vous êtes sur Énergie avec Jennifer. On écoute dans un instant. Avant ça, voici notre week-end en trois mots. Chacun doit décrire son week-end en trois mots. Je sais déjà d'avance que le mot vote, je ne sais pas pourquoi, mais il va être dans tous les week-ends. Ah bon, ça va être génial. Jérém. Vote. Oh, c'est incroyable. Mariage. Mais non. Encore ? Si. Et, ah oui, oui. Et bah oui, vous étiez là. Ouais, oui, vendredi, oui, oui. Et éducation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vendredi, mon parrain s'est marié sur Internet. C'était kitsch hein, quand même les gars. Oh, kitsch, super ah bah, mais grave la kitsch. Moi j'ai rigolé. Alors, mais comme un pour ceux qui ne savent pas, il s'est marié à Las Vegas et il avait payé le package où c'est filmé. Et alors, c'est retransmis en live sur Facebook. Et il y a Elvis Presley qui les a mariés. C'était super. Le faux Elvis Presley. Kitschouille. Mais bon, c'est marrant. Mais très chouette, hein, parce que franchement, au moins, c'était on pouvait voir le mariage. Quoi. C'est vrai. Mais moi, j'avoue que j'étais pas avec vous, mais j'ai vu le direct Instagram. Le haut en costard et le bas en caleçon, c'était nickel, hein, les gars. On était en short, ok, on était en short. Toujours au top de la mode, hein, c'est bien. Hein. Bah oui. Pas de fashion faux pas chez nous. Ouais, évidemment. Et troisième mot, éducation. J'essaye d'éduquer ma copine à mettre le papier toilette du bon côté. Voilà. J'ai du mal. Mais qui veut rééduquer sa copine. Pourquoi pas Tiffany, ton week-end en trois mots. Alors, football, Tetris et transpiration. Oh, madame a été au stade vendredi. Et ah oui. Ouais, j'ai été voir Belgique-Suisse et bim, 2-1 pour la Belgique. Et bim. On dirait que c'est elle qui a joué. Ah oui, ouais. Non, t'as vu mon accélération. Première fois dans un stade de foot. Et alors, c'était dingue. Sauf que moi, je fais attention à tous les petits détails. Tu vois, quand on regarde le match à la télé, ça paraît beaucoup plus grand. Là, le stade, le terrain avait l'air carré. Et alors, les petits bonhommes habillés en orange, là, tu vois, ceux qui peuvent pas se retourner sinon ils sont virés. Ouais, tu vois. Mais je suis arrivée et j'étais là avec mon copain et sa sœur. J'étais là, c'est eux les gars en orange, là, s'ils se retournent. Non, c'est les remplaçants. Non mais et alors je faisais attention à tous les petits détails. Et le gars avec son drapeau là qui marque les hors-jeux. Enfin j'étais. On appelle ça un arbitre ou un référé. Oui, voilà. Elle a pas regardé le match. Les coutures sur le ballon en cuir. Une couture piquée, j'ai adoré. Ah oui non c'est surpiqué, c'est ça. Du coup j'ai pas du mal. Non mais sérieusement par contre à un moment le ballon est atterri dans le public, ils ne peuvent pas récupérer le ballon. Ben non ils doivent le rendre. Ouais, tu repars chez toi avec évidemment. Mais il y en a tout plein. Il y en avait mis un sur le stade, le gars avait attrapé le ballon, il peut le garder. Il est dans le public, il est parti quoi. Il a payé quoi, je dis. Ouais. Attends, si c'est comme ça, il n'y a plus un joueur qui shot. Hein. Ils avaient quand même mieux shoté. Imagine, tous les ballons sont sur le côté, ils font comme un pour jouer. Ouais, c'est vrai. Une boulette de papier. Mais j'ai hâte la prochaine fois de ta première fois. Là, c'était ton premier match de foot, j'ai hâte de ton premier, je sais pas quoi. Sauf le Rennes, ça ne regarde pas. Non, sinon Tetris et transpiration. Et Tetris, c'est quoi, déménagement Tetris, ou quoi? Tetris, ouais, voilà, j'ai rempli des caisses et alors j'ai des caisses qui pèsent 2 kilos parce que j'ai pas du tout bien rangé. Et alors transpiration parce que je commence à repeindre. Ah voilà. Et t'as pas un mec toi sinon? Ben si, mais il bosse. Ah contrairement que à toi. Ok, très bien. On en prend bonne note. Aurélie de la Rédac, ton week-end en trois mots. Alors moi, ça a été soleil parce qu'il a fait super beau samedi, donc je suis restée dehors. Isoloir. Vote, hein. C'est la seule qui a trouvé le... Hop, la petite... Pour pas dire vote. Bah ouais, je voulais être originale, tu vois. Et migraine, parce que hier, j'ai eu une migraine, mais toute la journée, ça a été une horreur. Ah, c'est relou, ça. Ouais. C'est chiant. Quand t'as ça, que les médicaments font pas effet, t'es... Ouais. Moi, je me claque la tête contre le mur, au moins t'as plus mal. Ouais, j'essaierai la prochaine fois. Au moins t'as mal pour quelque chose. Voilà. Ou bien, il paraît avoir une petite relation avec son homme, ça aide. Ouais, aussi. Ça détend. Ouais, on m'a toujours dit qu'il faut détourner le mal. Donc tu détournes l'attention de ton cerveau. Mais il était pas là hier. Ah, bah ouais, bah voilà. Le voisin. Frisco, ton week-end en trois mots. Mariage, kiff, entrecôte. t'as kiffé le mariage ou l'entrecôte? Alors, à ton avis. Mariage, parce que voilà, Jérém me l'a expliqué. Kiff, parce que j'ai mis 3 minutes pour voter, mec. Ça m'était jamais arrivé. Il n'y avait personne à mon bureau de vote, donc c'était trop bien. Je suis rentré, je suis sorti. Merci, bonsoir et bon week-end. Et entrecôte, parce que hier j'ai mangé une entrecôte, c'était trop bon. Et toi, Marco? Et bon, week-end pourri. Pourri. C'est vrai? Ouais, non. T'es content d'être là, alors? Pareil, pas de bon week-end. Oui, c'est un beau lundi pour moi. Vas-y, Jennifer sur Énergie. Nous envoler soudain, reconnais-tu mon adresse? Nos larmes au bord de la Seine. Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les sous la veste. Toutes ces morsures qui ne s'oublient pas. Toutes ces heures passées dans tes bras. Ça tient à notre idylle. 6h44 sur Energy. Musty dans un instant. On va jouer au Où suis-je ? Un jeu qu'on aime bien, il faut deviner où on est, tout simplement. Tout est dit dans le titre, ça sera dans un petit instant sur Energy. On vous rappelle aussi que tous les derniers vendredis du mois, on se fait plaisir, on s'offre un gros kiff avec toute l'équipe. On fait une émission spéciale et une émission surtout en public avec vous, les copains. Ouais, trop bien. Vous allez pouvoir venir nous voir. La prochaine, c'est le 26 octobre. On y est vite, hein. C'est pas ce vendredi-ci, celui d'après. Hein. Ouais. Dans 15 jours. Ça va être trop bien. Oh, ça passe super vite, en fait. Et la dernière, il y avait du monde à crever. Ouais, c'était un on s'est marré comme des fous. Tout le monde est parti avec des cadeaux. Et il y avait Jane en plus qui était là. Je ne sais pas qui sera l'artiste qui sera avec nous. C'est une surprise pour l'instant. Mais en tout cas, c'est sûr, il y aura un ou une artiste qui sera avec nous vendredi 26 octobre, donc dans 15 jours. Et vous aussi, vous allez pouvoir faire partie du public. Et vous repartirez avec du cadeau, comme l'a dit Jérémy. On offre des petits sacs, il y a plein de trucs dedans. Des moustaches, des cheveux. On vous rhabille en fait, hein. On vous relook. Non mais il y a un peu de tout, vraiment c'est top. Et si vous voulez venir, c'est très simple et c'est gratuit. Surtout c'est energy.be pour vous inscrire. Vous venez avec qui vous voulez, hein. Vous remplissez la voiture, vous venez avec les potes, avec la famille. On offre venir le petit déj en plus. Avec les collègues et on offre le petit déj, ouais. D'ailleurs on va négocier. C'est une boulangerie qui a bien envie de nous offrir un petit déj et qu'on fasse de la pub en échange. Ça peut être sympa. Voilà. Ça, on aura un vrai petit déj. On l'a pas dit, mais la dernière fois, on s'est fait arnaquer quand même. On nous a promis un petit déj, on a eu des pitchs. Donc voilà. 26 octobre, c'est la date, notez bien. Et allez vous inscrire à energy.be dès maintenant. C'est gratuit, vous venez avec qui vous voulez. On vous attend, ça va être la fête, je vous le dis. Vous élisez chaque année, grâce à Energy, les meilleurs DJ mondiaux. Energy DJ Awards 2018. Assistez à la cérémonie depuis Monaco, aux côtés de vos DJs préférés, grâce à la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux aller à Monaco au Energy DJ Awards. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos accès exclusifs pour les Energy DJ Awards. Awards 2018. Nous étions en famille, confortablement installés pour regarder la télé. Mais au moment de sauver la chaudière, l'atmosphère était devenue chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour vous garder au chaud cet hiver, Luminus installe votre nouvelle chaudière. Calculez votre devis sur luminus.be/chaleur. Vivre dans un quartier formidable ? Visitez les habitations Matexi durant la journée découverte du 21 octobre. Toutes les adresses sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. L'expérience, tout le monde veut travailler avec Tempo Team. Découvre tous nos jobs près de chez toi sur tempoteam.be. Tempo Team. Ça, c'est votre douleur. Et ça, c'est le Dafalgan Forte effervescent. Saviez-vous que le comprimé effervescent agit deux fois plus vite sur votre douleur que le comprimé à avaler? Et ça, c'est vous. Dafalgan Forte effervescent soulage deux fois plus vite. Médicament en paracétamol. Pas d'utilisation de plus de 5 jours en cas de douleur sans avis médical. Dafalgan Forte est réservé à l'adulte et à l'adolescent de plus de 15 ans. Maximum 3 grammes par jour en automédication. Lire attentivement la notice. Vous avez une cabane de jardin ? Dans ce cas, vous êtes probablement l'heureux propriétaire d'une brouette cassée, d'un vieux skateboard ou d'un ballon de foot tout crevé. Oui, l'heureux propriétaire. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Bref, une petite recherche dans votre cabane peut vous faire profiter bientôt d'une voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Sarah, oui. Tu es ma meilleure amie et je partage tout avec toi. Je sais. Et tout ce que tu diras restera secret. Ok. Ce sont les offres privées à Maas Mechelen Village. Oh, ça me touche que tu ne l'aies pas gardé pour toi. Et si tu deviens membre, tu seras la première au courant des nouvelles marques, des événements VIP, des tendances. Oh. Et ce n'est pas tout. Durant les offres privées, tu profiteras de 20% de réduction sur les prix outlet dans les boutiques participantes. On y va ? Oh oui. Surfez sur maasmechelenvillage.com et devenez membre du programme Privilège. Les offres privées à Maas Mechelen Village du 18 au 28 octobre. Bonne nouvelle cette semaine chez Deleuze. Il y a plus de 100 produits en 1 plus 1 gratuit. C'est le moment de réveiller le serial stalker qui est en vous. Alors, un conseil, les serial stalkers, faites de la place dans vos armoires. Deleuze, du côté de la vraie vie. Cette semaine, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour un ravier de tomates cerises d'Aterino acheté, un gratuit. Musty à suivre, côté hit dans un instant. On joue au Où suis-je ? Et un petit point sur les routes ce matin, Aurélie, ça donne quoi ? Quelques ralentissements à signaler. 16 minutes de perdu sur le 19 entre Arkane et Nivelles-Nord. Et puis sur le 411, ajoutez une heure entre Stockholm et Sterpenich. Will you stay with me if I'm in motion? I try to plant a tree, but no reaction. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in the grave, the game is over. The television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try, is maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century boy. Over and over again, I'm lonely. Bonne matinée avec nous, bonne journée sur Énergie. Dans un instant, c'est Macklemore qu'on va écouter avec Can't Hold Us. J'aime beaucoup ce morceau. Can't Hold Us, ça vous allez voir, c'est très bien ça pour se réveiller. C'est parfait, le morceau pile poil qu'il fallait. On va jouer Où suis-je maintenant entre nous. Vous pouvez jouer avec nous évidemment. Le but est simple, on décrit un lieu par rapport à ce qui nous entoure. C'est comme si on se téléportait en fait. Hein. Ouais. Et il faut deviner le lieu dans lequel on est tout simplement. Qui a les cartes? Moi. C'est toi, Jérém. C'est moi. Eh bien, je t'en prie, démarre les hostilités. On dit son prénom avant, évidemment. Alors, je commence. Je suis un phénomène naturel dû au climat. Je me trouve dans l'hémisphère nord. Dans ma catégorie, je suis le plus grand du monde entier. Ma surface est aussi grande que celle des États-Unis. Marco. Oui. La Russie. Non. Mince. Mon territoire s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés. Oui, Frisco. L'Antarctique. Non. Je suis réparti entre 10 pays. Entre 10 pays? Ouais, les dromadaires sont à mes vaisseaux. Frisco. Oui. Le désert. Lequel? Le désert du Sahara. Ouais, le Sahara. Mais c'est pas dans l'hémisphère nord, ça? Si. C'est pas parce que c'est au sud de la Belgique que c'est dans l'hémisphère sud. C'est dans l'hémisphère nord? Mais ouais. Oui. Waouh. Waouh. Waouh. Mais non, mais vraiment, un désert dans les... D'accord, très bien. Mais moi, c'est quoi l'hémisphère nord? Oui, mais merci, prends-moi pour un babac aussi. Vas-y, Frisco. Alors, je suis un immense pays. Je couvre à moi tout seul la moitié de Marco, mon demi... Tiffany. Russie. Non. Aurélie. Oui. Chine. Non. Je couvre à moi tout seul la moitié de mon demi-continent. Je regroupe plus de la moitié de la population... Marco de... Ouais. Les États-Unis? Non. L'Amérique, quoi? Non. Oh, attends, ça se situe où, t'as dit? Ben, deux secondes, laissez-moi. je regroupe plus de la moitié de la population de ma partie du monde. Le quart de la production mondiale de café provient de Marco, mes plantations. Jérém. Marco. La Colombie? Non. Mais enfin! Tiffany? Ouais. Le Mexique? Non. Jérém? Ouais. Le Brésil? Ouais. Max, yes. Allez, j'hésitais entre les deux. C'est bon, on arrête ce jeu. Comme on est perdant. La Russie. Non, Marco. Dans un instant, on va vous faire le top Spotify. 10 ans d'anniversaire déjà pour Spotify. Truc de fou. Ah, terrible. Ouais. Et croyez-moi, il y en a eu des pépites en 10 ans, des hits et des hits et des hits. On écoute ça dans un instant. Voici Macklemore. 6h55, bon réveil. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad. Moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling. I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Allez, bon lundi. Énergie avec nous, nouvelle semaine qui démarre, nouvelle semaine qu'on va passer ensemble sur Énergie avec le 6-9. Dinoro qui va arriver dans un instant. Et on va vous donner le top Spotify, 10e anniversaire, 10 ans déjà que ça existe Spotify, ouais. Incroyable. On va faire un petit top, le top des artistes qui ont plus cartonné, le top des morceaux les plus chazamés, enfin les plus Spotifyés. Ce sera dans un instant sur Énergie, juste après Dinoro, à tout de suite. Sont l'avenir du numérique. Tu me crois pas? Wallonia Wonder Woman, action. Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça. C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be/woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. Il est 7h, bienvenue. Énergie. Prêt pour le savoureux concours des maîtres boulangers-pâtissiers? N'en ratez pas une miette. Gagnez un an de pain croustillant. Info sur le sac à pain de chaque boulangerie participante ou sur maîtreboulangerpâtissier.be. Dans un instant, le top Spotify. Avant ça, à 7h, voici la météo. On aura quelques nuages ce matin avec un risque de pluie, surtout sur l'est du pays. Côté température entre 19 et 23 degrés, rassurez-vous quand même, parce que cet après-midi, le temps sera sec et ensoleillé. À 7h, on s'informe l'actu de ce lundi 15 octobre. C'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. C'est Écolo et sans nul doute le grand gagnant des élections communales. Le parti a réalisé une véritable percée, surtout du côté de Bruxelles. Belle montée aussi pour le PTB. Baisse par contre pour le MR, le CDH et le PS. Le PS qui reste en tête quand même à Bruxelles-Ville. Dans le Brabant Wallon, le MR reste en tête à Wavre et Waterloo. À Namur, le CDH conserve la première place. Dans le Hainaut, le PS garde la tête à Charleroi, Tournai et Mons. Mons qui change de bourgmestre et Louis Diroupeau laisse sa place à Nicolas Martin. Dans la province de Liège, le PS conserve son avance à Liège et à Verviers. Et puis dans la province de Luxembourg, le CDH garde la tête à Bastogne. Au nord du pays, à Anvers, la NVA de Bart De Wever reste le premier parti. Enfin, vous avez aussi voté pour les provinces. Le MR, le PS et le CDH perdent des points. Mais malgré tout, le MR et le PS arrivent toujours en tête dans la majorité des provinces. De son côté, le PTB progresse, sauf dans le Brabant wallon où le MR domine toujours. Dans le Hainaut, le PS arrive largement en tête. Dans la province de Luxembourg, c'est le CDH. Pour la province de Namur, le MR reste en première place. Et puis, en province de Liège, c'est le PS qui est numéro 1. Bienvenue, c'est le club ici. On a l'impression qu'on est en vacances. On connaît, on fait la chorégraphie et tout. Allez, il est 7h03. Bonjour. Bonjour. On espère que tout va bien. C'est une nouvelle semaine qui démarre. On la démarre tous ensemble, main dans la main. On vous accompagne. On vous amène jusqu'au boulot. On vient pas avec vous après, je vous le dis. Qu'un son truc. Dino, c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Et j'ai pour vous le top Spotify. C'est leur 10e anniversaire. Et il y a des pépites. On va faire ensemble le top notamment des 10 artistes les plus écoutés et le top des titres les plus écoutés. On va voir si vous êtes fort dans l'équipe. Ah ouais, okay. C'est du énergie en soi, hein, donc normalement ça devrait le faire quand même. On parlera aussi des expressions belges ce matin, nos expressions favorites. Vous pouvez déjà envoyer vos expressions favorites, hein, 30-18 par SMS, ou alors vous appelez Tiffany pour lui dire votre expression, vous aime beaucoup, vous la placez tout le temps. 0800 23 456, c'est un numéro gratuit, on en parle après. Bientôt 6 sur Énergie. Lizzo à suivre côté hit. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. Ah bon, réveil en musique avec nous sur Énergie. On va continuer tiens, en musique justement avec Spotify, le top Spotify. Spotify qui fête ses 10 ans. 10 ans de streaming déjà. Et à l'occasion de leur 10e anniversaire, ils ont sorti un top. Le top 10 des artistes les plus écoutés, le top des titres les plus écoutés, top des filles, top des mecs, enfin voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà plus de 3 milliards de playlists qui ont été créées en 10 ans sur Spotify? 3 milliards? 3 milliards de playlists, ça fait 16 858 000 années de musique. Wow. On sera pas tout écouté. Ah bah, bah non, on va pas. Là, ça va être compliqué. Tu t'es déjà demandé quand tu reçois des 3 milliards, tu vois des chiffres comme cette playlist, tu t'imagines, et si j'avais pas fait la mienne, il y en aurait eu 2 milliards 999 millions. T'as jamais eu ça? Bah non, parce que okay, je fais pas de musique. Donc voilà. Ah, la playlist. Ah oui, non, mais je fais pas de playlist, moi. Je partage pas, moi. C'est ma playlist, ok? Faut venir c'est un égoïste, Marco. Faut venir à la maison si tu veux l'écouter. Je vais pas te donner ma playlist ou quoi? Wow. Je vais te donner mes pépites ou quoi? Ça va ou quoi? Dans le top 10 des artistes les plus écoutés. écouté. Quel est, à votre avis, l'artiste le plus écouté de ces 10 dernières années sur Spotify? Ed Sheeran. Ed Sheeran, non, c'est pas lui, mais il est pas loin. Il est dans le top 3. Mike Jackson. Ah ouais, il y a Mike Jackson. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Drake, évidemment, c'est le numéro 1. C'est l'artiste le plus écouté sur Spotify. Première position pour Drake, artiste les plus écoutés, c'est dingue. C'est fou ça. Ouais. Bah ouais. En plus, j'irais même être dégoûté au Drake qui a perdu la Coupe du Monde. J'ai l'impression d'être Eden Hazard. Le deuxième, c'est Ed Sheeran, t'avais raison quand même. Que perso, j'aurais mis en premier, mais ouais, moi aussi. Un peu comme les Diables contre la France. Eh, faut passer à autre chose. Troisième, c'est Eminem, du rap encore. My name is Slim Shady. C'est fou qu'Eminem soit si bien classé. Troisième, mon ami. Dingue. C'est dingue. Devant The Weeknd, devant Rihanna, devant Kanye West, devant Coldplay aussi, c'est ouf. Et Justin Bieber. Devant Justin Bieber, qui est huitième dans ce classement. Calvin Harris, c'est Ariana Grande qui ferme la marche en dixième position. Beaucoup de star énergie. Ouais, que des stars énergie. Ah, il n'y a que ça, ouais. Les titres les plus écoutés. Alors, à votre avis, quel est le titre le plus Spotifyé, le plus écouté, le plus Spotifyé. On fait des verbes. Soleil. Non, c'est pas Clo-Clo. Tu l'as dit en soi, hein, t'es sûr? Ed Sheeran. Ouais, mais lequel? Shape of You, les copains. C'est le titre le plus écouté sur Spotify ces 10 dernières années. Je comprends, mais ouais. Ah, en fait, ils se sont inversés les places. Hein. Donc, dans le top des artistes les plus écoutés, c'est Drake suivi d'Ed Sheeran. Et dans les titres les plus écoutés, c'est Ed Sheeran suivi de Drake. Drake. Avec One Dance. C'est un signe. Ça veut dire que les Diables Rouges vont gagner la Coupe d'Europe. Un titre que j'adore, moi, c'est de Chainsmokers, qui est troisième titre les plus écoutés sur Spotify à l'occasion de leur 10e anniversaire. Ils ont sorti un petit classement. Et donc, voici la troisième position des titres les plus écoutés, c'est de Chainsmokers. J'adore. Ça, c'était mon titre de l'été que j'écoutais à fond la caisse. Trop bien. J'ai l'impression que j'étais en Californie, mon pote. Alors que j'étais à Blankenberg. Il manquait juste les paniers, hein. Ouais, c'est tout ce qui manquait. C'est ça. Et les filles sur les rollers. Oui, c'est ça. Ouais, il manquait beaucoup de choses. En fait, y a Rihanna qui est dans le top, évidemment. C'est l'artiste féminine la plus téléchargée, la plus écoutée. Chez les filles, elle est numéro 1. Ouais, elle est numéro 1 chez les filles, Ariana Grande. Rien à compter. Rihanna. Oh, j'adore. I'm way too good to you. Ouais, rapidement, le Spotify. Le Spotify de chacun. Frisco, ça serait quoi ton top Spotify de tous les temps, toi? Michael Jackson, Man in the Mirror. Oh, je dis oui. Ouais, je suis un peu old school, mais j'adore cette chanson. Ah, elle est terrible. J'aime bien quand il fait ça. Ouais. Oh ouais. Allez, sympa, j'aime beaucoup. À fond, j'adore. Tiffany du Standard, ça serait quoi ton top de tous les temps sur Spotify? C'est September de Earth, Wind and Fire. J'avoue. Et tu me l'as volé. Ah, oh, ça c'est terrible. Vous devriez voir Tiffany danser là. Ça vaut le détour. Ah non, ça vaut de l'or. Faut pas regarder ça. Je suis un peu gêné là. Mais ouais, moi aussi. Arrête de danser. Ah ouais, j'aime bien moi, ça. Ça me fait mon lundi. Ah ouais, September, j'adore. Ah, on se fait plaisir en même temps. C'est notre top Spotify à nous, 10 ans de streaming. On vient de faire le top, la Spotify. On fait le petit tour d'équipe. Jérém, ça serait quoi, toi, ton top de tous les temps? On va rester dans les mêmes années. Moi, ça me dresse les poils, c'est Tina Turner, GoldenEye. T'entends cette voix? Ouais, pas mal. Écoute maintenant. Il a fondant. Toi, Marco? Aurélie de la Reine, ça serait quoi, toi, ton top de top du top of the top? À moi, les poils, ils se dressent pour Metallica, Nothing Else Matters. Ah oui, oula, ouais. Complètement autre chose. Et t'écoutes ça dans ton fauteuil, dans le noir. Bah non, sur ton cheval, hein, t'es bête ou quoi? Ça, tu l'écoutes sur ton cheval. Ou sur ton Harley Davidson. Eh, mais comment? Comment j'imagine pas du tout Aurélie de la Redac écouter ça. Non, moi non plus. Peut-être nous le dit pas le week-end, mais elle se peint les ongles en noir. C'est une gothique. Et elle monte sur sa bécane surtout. Ouais, comment vous le savez? Mais moi je l'imagine trop dans son quartier, son Harley Davidson au ralenti, tu vois. Elle roule à du 5 km/h et elle regarde les gens comme ça. Avec les feuilles qui tombent sur son visage. Avec le casque de Dumb and Dumber, tu vois, le truc. Ah, le casque dégueulasse. Moi je me suis fait un kiff tout le week-end. J'ai réécouté du Whitney Houston. Alors ça, je peux vous dire, pour moi, ça c'est l'artiste de tous les temps sur Spotify. D'ailleurs, elle est dans le film Bridget Jones, hein, cette chanson. Oh, chouette. Elle est dans le film Bridget Jones, ouais. Et alors, merci pour cette information incroyable. Super, Tiffany, merci. C'est le genre de film que j'ai regardé ce week-end, moi. Celle-là. Ah ouais, j'aime bien. Celle-là, je me mets tout nu. Oh là là, ça me donne envie de regarder le film où elle joue dedans Bodyguard. Bodyguard avec Kevin. Oh là là là. On laisse pas bébé dans un. Non, c'est pas là. Non, rien non, à voir. Ça n'a rien à voir. C'est là où il. Ça, mais c'est non. Dirty Dancing. Ouais, c'est bon, c'est Bodyguard, c'est quand ils font la poterie. Ah oui. Non, ah, rien c'est... à voir non plus. Non, c'est non. C'est ça, là, je vais t'écouter, écoutez. Ah, j'adore. Et vous dites-nous aussi, tiens, votre top du top of the top, ce que vous écoutez, c'est le morceau que vous kiffez, qui est votre top Spotify, que vous streamez depuis tout le temps. 30-18 par SMS, ou alors vous nous appelez 0800-2-3-4-5-6, c'est un numéro gratuit. Il y a Tiffany qui vous attend et qui vous fera une danse. Et oui. Ça tombe bien, on la voit pas au téléphone. Voici Lizzo. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit my beat. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? C'est l'expression belge que vous utilisez par excellence. Vous l'aimez beaucoup, ou une expression tout court, hein. Pas obligé d'être belge, elle peut être canadienne, elle peut être ce que vous voulez. Vous nous partagez ça avec nous ce matin. On va parler des expressions qu'on a, les expressions belges et les expressions favorites. Voilà, t'as pas tout le même satcho dans le même satcho. Non, non, les non. Frites dans le même satcho. T'as pas toutes tes frites dans le même satcho. C'est une des expressions qu'on peut utiliser. Dites-nous 3018 par SMS ou vous nous appelez ce matin, c'est gratuit. 0800 2 3 4 5 6. On parle des expressions favorites dans un instant. Kygo, Imagine Dragon, c'est la suite des hits. Et on revient juste après, c'est le 6-9, bon réveil. Bonne matinée avec tous, c'est lundi, on le démarre ensemble ce lundi. Voilà. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. Énergie. Give me the hit music. It's music. Only. Choisir votre plat dans ce restaurant thaï, ça vous prendra bien 5 minutes. Et le 214 ? Mais ça pique aussi, hein. Oh. Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limites et conditions sur touringassurance.be. Parce qu'on peut aller loin pour ses affaires. Marie, Serge, il faut boucler ce contrat. Et rester proche de sa famille. Hugo, Élise, il faut boucler votre ceinture. Skoda a créé l'Octavia Combi, le break le plus vendu en Belgique. En ce moment, en plus de son design, son espace, sa technologie et son confort, profitez d'un GPS gratuit. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. Eh bien, ça ne se présente pas bien sur nos routes. Vous perdez plus d'une demi-heure sur la E40 entre Liège et Bruxelles. On signale un bouchon de 7 km sur la Nationale 5 à hauteur... Red Bull te donne des ailes. Vous avez un garage ? Dans ce cas, il est probablement rempli de vieux objets inutiles. Une roue de vélo tordue, une poussette hors d'usage ou une balle de tennis déchirée. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Une fois que vous serez débarrassé de tous ces objets inutiles, vous pourrez facilement garer dans votre garage votre nouvelle voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Imagine Dragon, c'est la suite des hits sur Énergie. Dans un petit instant, on parle des expressions belges, nos expressions favorites. Avancez un petit point sur la route, Aurélie. Un accident s'est produit à Bruxelles dans le tunnel botanique. La bande de droite est bloquée en direction de la gare du Midi. Il y a des ralentissements en direction de la capitale. Vous perdez 20 minutes sur le 40 entre Asrode et Everlé. Sur le 411, comptez 21 minutes en plus entre Rixensart et le carrefour Léonard. Sur le ring extérieur, ajoutez 25 minutes entre Waterloo et Oullaert. Et puis au sud du pays, ça coince aussi sur le 411, comptez 41 minutes en plus entre Stockholm et Sterpenich. I never knew anybody till I knew you. I know. Bonne matinée sur Énergie. Maroon 5 qui va arriver dans un instant avec Girls Like You. On va écouter ça et là on va surtout parler des expressions belges, des expressions favorites qu'on a de chez nous, pas spécialement que de chez nous, mais bon, il y en a dû pas mal. Il y en a déjà pas mal servi. Oui. Puis ce week-end il y avait de quoi en utiliser déjà, donc il y avait de quoi se faire plaisir avec les expressions belges. 30-18 par SMS pour nous dire si vous en connaissez une, ou alors 0800 234 56 pour appeler Tiffany en parler. Qu'est-ce qu'on a, petit tour d'équipe, tiens d'abord votre expression à vous, le truc que vous aimez bien, Jérém. Moi j'aime beaucoup faut pas pousser bobonne dans les orties, hein. Ça veut tout dire. C'est vrai. Je sais absolument pas d'où ça vient, mais moi non plus, je ne sais pas. Mais voilà. Qui est cette bobonne? Qui est cette bobonne? Où sont ces orties? Oui, c'est ça. Dites-nous. Si vous avez des expressions, partagez vraiment avec nous ce matin. 0800 234 56, numéro gratuit pour appeler Tiffany du Standard. Bah justement, tiens, c'est quoi toi, ton expression ou tes expressions? On connaît l'expression les chiens font pas des chats. Ouais. Sauf ouais. que moi, comme je suis toujours à côté de mes pompes, un jour j'ai lâché les poules font pas des canards. Voilà. Ce qui en soi n'est pas faux. Hein. Non, voilà. Donc maintenant, c'est les poules font pas des canards, ou alors faut pas pisser sur mon dos et dire que je transpire. Ah oui, j'aime bien ça. Il y a rire et rire, hein, mais pisser dans mon dos et dire que je transpire. Ça, c'est plus rire. Je connais pas ça. C'est... Tu connais pas? Non. Non. Mais quand t'imagines. Mais ça dit, c'était pas trop mal, ma vie était bien avant. Hein, quand on connaît cette expression, hein, entre nous. Ma vie n'a pas changé. Très bien. Hein, oui. Mais c'est vrai que quand il pense, c'est dégueulasse, quoi. Pisser sur le dos de quelqu'un et puis dire qu'il transpire. Et tu transpires. Ouais. Il y a glété. Ça, c'est un des mots que j'ai appris assez rapidement. Glété. Oh, t'as glété. Oh, non, c'est dégueulasse comme c'est, ouais, c'est pas très beau. C'est pas beau. C'est quand tu glettes, c'est que tu laisses tomber des gouttes en buvant un coup, quoi. Voilà. Ouais. J'ai glété, chef. J'ai glissé, chef, et j'ai glété, chef. Aurélie de la Rédac. Oh, toi, tu dois avoir de la pépite. Bon, pas spécialement. C'est, je dis souvent, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Hein. C'est ah oui, c'est ce que je dis, c'est de la pépite. Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Je connaissais pas. Je connaissais pas non plus. Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Bah oui, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs personnes qui portent le même nom. Hein. Et est-ce qu'on peut adapter l'expression? C'est-à-dire, genre, si je parle à Jérém, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Jérém. Hein. Tout à fait. Ah bah voilà. C'est très bien. Tu donnes le prénom à qui tu parles? Bah normalement, c'est il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, mais tu peux. On peut l'adapter, quoi. Oui, c'est sûr. Ça, voilà. Ouais. Adaptons. Elle n'est pas exclusive. Frisco. Oh, lui, j'en ai plein. Moi, j'en ai deux. C'est, plus que ça. Un coup de Trafalgar. Alors, je l'utilise rarement, mais j'adore ce mot Trafalgar. Je un sais pas ce que ça veut dire, Trafalgar. Un coup de Trafalgar. Bah, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends un Trafalgar et puis non, mais c'est j'adore bien. Ce mot. Et ou alors, ça me sèche le cerveau. Tu me sèches le cerveau. Quand sèche quelqu'un le crâne, me saoule, ouais. Me sèche le crâne. Quand quelqu'un me saoule, qu'il arrête pas de me parler, qu'il me retourne la tête, je fais purée, tu me sèches le crâne. Tu me sèches le cerveau. Ah, ouais. J'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a plus de sang qui irrigue mon cerveau et je suis pas bien là. Il en a plein. Il y a frère aussi. Ouais, frère. Putain. J'ai contaminé Jérém. Ouais, c'est vrai. Vendredi, on était chez lui. Il a dit ouais, frère. Et là, il y a sa meuf qui s'est retournée sur lui en mode. Depuis quand tu dis ça? Il vient de le dire. Meuf. Meuf. Ouais. Hier, je regardais un film avec ma nana et il y avait un mec dedans qui disait toujours meuf. Elle regarde le. Lui, il va me saouler. Hein. Il me fait penser à Frisco. Ça va me saouler. Je vais couper ce truc tout de suite. Hein. Il va arrêter de dire meuf toutes les deux minutes. Hein. Je saoule ta meuf. Non, avec meuf, oui, tu la saoules un peu. Elle en a marre. Comme ah ça, bon tu le sais. Bah voilà. Super, merci, Aude. Et quand il y en a marre, il y a un malabar. Voilà, ça aussi, c'est une expression. Et toi, Marco? Oh, moi, j'en ai pas mal. J'en ai. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ah, si, ça, il aime bien ça. Dire. Ah oui, j'aime. Mais c'est pas la vraie expression aussi? Non, la vraie, c'est ça casse pas quatre pattes à un canard. Mais non, c'est deux, je crois, ou je sais plus. Mais moi, j'aime bien dire quatre au moins. Voilà. Trois. Il a pas le gaz à tous les étages, évidemment. Ouais, ça c'est bien. Un mec est un peu foufou. Il a pas le gaz à tous les étages, lui. Hein. Ouais. Voilà. Avoir le beurre, l'argent du beurre et le couteau du beurre. Non, c'est pas ça. Sourire de la crémière. Ouais, ouais. Oui, je prends la crémière avec moi. Et le couteau du beurre. Et le couteau avec. 24, I was You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah. 9 sur Énergie. Jane à suivre. Et vous allez pouvoir voter, tiens d'ailleurs pour elle, elle est nommée dans la catégorie artiste féminine francophone de l'année au Energy Music Awards. Et pas toute seule, hein. Il y a Louane, Zazie, Vita, Jennifer ou Christine and the Queens. Terrible. Votez pour notre marraine de l'émission, Jane. Ouais. Ah ouais, elle le mérite. Energy.be pour voter, on l'écoute dans un instant. An echo. I've been reflecting my perspective, and now I know the love is never simple, no matter high or low. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget everything of that drama. 'Cause we don't need no. In a different lingo, you told me your heart broke. You've been reflecting, counting blessings, and now you know the love is never simple, no matter where it goes. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. Things are never simple. I guess if you don't wanna change your mind, you just gotta let me know. I told you before though. I just wanna dance with you, get involved, forget all of this drama that's getting old. And if it brings you pain, then it's okay. Don't need problems in my head. We don't need no drama. Dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget everything of that drama. 'Cause we don't need no. Élue par vous, la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. 7h32 sur Énergie. Jane qui arrive côté hit dans un instant. On continue de parler des expressions belges ce matin. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. On a des nuages ce matin avec toujours un risque de pluie cet après-midi. Retour d'un temps plus sec avec de belles éclaircies. Côté température, on aura entre 19 degrés en Ardennes et à la mer et 23 degrés partout ailleurs. On s'informe l'actu de ce lundi 15 octobre. C'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le pays a voté pour les communales hier. Écolo est le grand gagnant de ces élections. Le parti a réalisé une belle montée, surtout à Bruxelles. Beau résultat aussi pour le PTB, pour l'UMR et le PS, mais aussi le CDH. Par contre, les chiffres sont en baisse. Alors, pour rentrer un peu dans les détails, le PS est toujours le premier parti à Bruxelles-Ville, dans le Brabant-Wallon. L'UMR reste en tête à Wavre et Waterloo. À Namur, le CDH et Maxime Prévost conservent la première place. Dans le Hainaut, le PS garde la tête à Charleroi avec Paul Magnette, à Tournai avec Rudy Demotte et à Mons. Mons qui a un nouveau bourgmestre à présent. Élodie Roupaud a laissé sa place à Nicolas Martin. À Liège, le PS a résisté au scandale Publifine. C'est la même chose à Verviers. Dans la province de Luxembourg, le CDH et Benoît Lugen gardent la tête à Bastogne. En Flandre, mais surtout à Anvers, la NVA de Bart De Wever reste le premier parti. Du côté des personnalités politiques préférées, Paul Magnette bat vraiment des records. Il a enregistré 22 475 voix. En seconde position, on retrouve Maxime Prévost et ses 12 825 voix. Sur la troisième marche du podium, on a Willy De Meyer et ses 11 293 voix. Vous avez aussi voté pour les provinces hier. L'EMR, le PS et le CDH perdent des plumes, mais malgré tout, le maire et le PS arrivent toujours en tête dans la majorité des provinces. Le PTB de son côté progresse, sauf dans le Brabant wallon où l'EMR domine toujours. Dans le Hainaut, le PS arrive en tête largement. Dans la province de Luxembourg, le CDH est le premier parti. Pour la province de Namur, le MR reste en première place. En province de Liège, enfin, c'est toujours le PS qui domine. L'info énergie. Tous les jours aux alentours de 7h30, une petite info énergie, comme ça, ça mange pas de pain, mais c'est tout bon. On parle de quoi aujourd'hui, Aurélie ? Ah ben, j'aurais pu vous proposer sa candidature pour le concours de la semaine. À votre avis, de qui je parle ? Donald Trump. Ah bah évidemment. C'est vrai. Toutes les semaines, lui. Ah bah ouais, mais là, il a encore fait fort, hein, il faut le dire. Le président américain commence seulement à comprendre la réalité du changement climatique. C'est déjà bien, vous allez me dire. Sur CBS, il affirme « Je pense que quelque chose est en train d'arriver. » Ah bon ? « Je ne pense pas que ce soit un canular. » Il a dit ça. Mais attends, c'est pas le pire. Bon, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, il reniait le changement climatique. Mais là où il a fait vraiment très fort, c'est qu'il affirme que le réchauffement climatique n'est pas causé par l'homme. Non, du tout. Non. À ce sujet, il explique, je ne veux pas donner des milliards et des milliards de dollars. Je ne veux pas perdre des millions et des millions d'emplois. Je ne veux pas être désavantagé. En bref, il ne veut pas investir dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Rappelons quand même que les États-Unis ont quitté l'accord de Paris pour le climat à cause de ce monsieur. De ce monsieur, voilà. Fallait le dire. Shame on you. Fallait le dire. Comme dirait en Belgique, il ferait mieux de retourner à Otiplou. Hein. On est dans les expressions, alors voilà. Lui non plus, il a pas tous ses frites dans le même sachet. Hein. Ouais, non, mais ça te chaud. Ça te chaud. Ça te chaud. C'est vrai, attends. Ah, je te jure. Chaud, quoi. Sans déconner, quoi. Allez. Il cherche misère. C'est magique. J'ai une feuille avec des trucs, mais je vous promets, tu peux tout utiliser n'importe comment. C'est génial. Vrai. Merci Aurélie. Le 6-9 sur Énergie. Enfin une crèche qui a de la gueule. Il est 7h36, bonjour. Allez, on passe du coq à l'âne. Voici le... On parle des expressions favorites avec vous ce matin. Dites-nous, je suis sûr que vous en avez plein. 30-18 par SMS, vous nous appelez, c'est gratuit. 0800-2-3-4-5-6. Vous appelez Tiffany, on en parle avec vous juste après. Après quoi ? Le mot gagnant. Voilà. Ah, chouette. Ça va splitter, chef. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be à suivre. 9-9, on joue ensemble. On joue à quoi ce matin, Tiffany? Au jeu du mot gagnant, et on va jouer avec Thibaut qui, attention, va rentrer à l'académie de police puisque son dernier examen a été validé. Oui, ouais. Il a 3 enfants, Arthur, Lise et Zélie, et puis il aime le jogging. Jogging. Bonjour Thibaut. Salut l'équipe. Salut, bienvenue ce matin Thibaut dans le 6-9, 7h39. On va jouer avec toi et tenter de t'offrir du cadeau, mon cher Thibaut. C'est notre mission ce matin. On va jouer au mot gagnant. Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui te passent par la tête, qui démarrent par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose, un mot en commun entre vous deux, et c'est le mot gagnant, tout simplement. C'est simple. Ok, super. Ça a l'air simple sur le papier. Ouais, on verra. Eh ben, c'est plus compliqué en vrai, sache-le. Non, mais vraiment, c'est pas évident. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de victoires ces derniers temps. Ça dépend. Ouais, non, c'était la dernière fois, c'était toi, t'avais losé. Non, j'avais gagné. Non, t'avais losé. Non, j'avais gagné. Non, moi, je me rappelle, t'avais losé. Ouais, non, j'avais gagné. Non, t'avais losé. Tu peux choisir ce matin, Thibaut, il y a Tiffany du Standard, il y a Aurélie de la Reda qui a Frisco, où il y a Jérém le loser et en plus le menteur. Ok, j'avais perdu. On va quand même essayer avec Jérém. En toute confiance, il y a le risque. Il y a le risque, le bout du risque. Allez, Jérém, quitte le studio. On va jouer ensemble au mot gagnant. Et donc, je vais te donner une lettre ce matin pour toi, Thibaut. Et tu nous donnes tous les mots qui te passent par la tête pendant 20 secondes. Et on fera la même chose avec Jérém en espérant qu'il y ait un mot gagnant. Allez, c'est parti, il est sorti. C'est bon, les yeux sur le. Enfin, les doigts dans les oreilles. Les yeux sur les oreilles. Les yeux sur les oreilles. On y va et on va faire la lettre S. S comme Sabine. C'est parti, Thibaut, 20 secondes. Serpent, scooter, singe, slip, salopette, salade, sous-marin, sonnette, salamandre, serviette. T'as fini. J'ai pas entendu le dernier. Le dernier, c'était quoi? Oui, c'était un peu. Songe, comme dans songer. Songe. Un songe. C'est jouable. Franchement, ça va. On rappelle Jérém, tu peux revenir. Oui, il est bien dehors, il resterait là de toute l'émission. Il en a fait 11. 11 mots. Non. Ouais, c'est pas mal. Bah, vous rigolez. Non, vraiment, c'est pas mal. Il y a du niveau. Ah, il est fort, Thibaut. Jérém, pendant 20 secondes, un mot en commun avec Thibaut, c'est ce qu'on te souhaite. Et la lettre ce matin, c'est la lettre S. S comme Sabine. C'est parti. Savon, il y en a pas beaucoup. Civière, non, c'est pas. C'est oui, serpent, sauté. Eh oui, c'est le serpent. Serpent. Toujours dit que le serpent fait beaucoup. Hein. Le S du serpent. Et le S de civière aussi fait beaucoup. Oui, ça va, j'ai des lacunes en orthographe. Et alors? Tu peux aller prendre des cours avec Ribéry, hein. Il y a du boulot. La route va tourner. Eh ben, c'est beaucoup, c'est bien. C'est beaucoup. C'est gagné, Thibaut, bravo. Merci. On te laisse choisir du cadeau ce matin, Thibaut. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On a la dernière compil énergie. On a 4 places de ciné où on a notre enceinte Bluetooth Wetplut. Bon, je vais prendre les places de ciné. Ah, top! Les places de ciné, eh ben on t'envoie ça à la maison, Thibaut, et on te souhaite une très très belle journée. Tu reviens quand tu veux sur Énergie, t'es le bienvenu. Oh, grand merci! À bientôt, Thibaut! Ta-ta. Big up, ciao, bido, bonne journée. 5 Seconds of Summer, on écoute ça maintenant sur Énergie. On parle de vos expressions favorites en belge. Vous nous dites ça 30-18 par SMS ou vous nous appelez 0800-23456. Bon, ça va bien me goûter ça. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me, out of your life. And I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of the time, yeah. Young blood, see you want me back in your life. So I'm just a dead man crawling tonight. 'Cause conversations end like it's the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. À suivre sur Énergie. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne. On écoute ça dans un instant, Amir le beau gosse. Alors lui, quand il va venir ici dans les studios chanter, ça va être quelque chose, je vous le dis. Il a dit ? Ouais, je suppose. Hein. Il revient avec un nouveau projet, donc allez quand même nous dire comment ça se présente cette histoire. Amir qui arrive dans un petit instant, et vos expressions favorites, vous les utilisez tous les jours. C'est pas obligé d'être une expression belge, hein. Ça peut être une expression de chez vous, de vos origines. Vous nous dites 3018 par SMS ou alors vous nous appelez 0800 234 56. Je disais juste avant, ouais, ça split. On dit souvent ça. Oh là là, ça split. C'est vrai, ça. C'est avec la bouse, quoi. Ouais. C'est une expression qu'on utilise très souvent. Si vous voulez en parler avec nous, eh ben, très simple, appelez-nous 0800 234 56. Tiffany vous attend au standard. On en parle juste après. Amir, de vos expressions favorites. C'est le 6-9. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes. Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energie.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Hey Paul! Salut! Comment ça va les affaires? Super! J'ai enfin trouvé l'aide qu'il nous fallait au travail. Incroyable, tout avance plus vite, efficace, flexible, ah non, vraiment. Un atout pour l'entreprise. C'est fou ce qu'ils inventent en Chine aujourd'hui, hein. Kimberly ne vient pas de Chine. Ah, c'est une marque anglaise alors? Mais non! Kimberly, c'est notre nouvelle intérimaire de chez Tempo Team. Ah bon? Ah bah garde-la alors si elle est bien! Ah ouais? L'expérience, tout le monde veut travailler avec Tempo Team. Découvre tous nos jobs près de chez toi sur tempoteam.be. Tempo Team! Les semaines clés en main débarquent chez Mercedes-Benz Vans. Et ça veut dire que vous allez faire le plein d'avantages jusqu'à fin octobre. Des conditions exceptionnelles sur tous les utilitaires Mercedes-Benz. Ah, comme par exemple jusqu'à 5000 euros d'avantages sur un nouveau Mercedes Vito. Et comme tout est déjà inclus, vous n'avez plus qu'à prendre les clés et c'est parti. Les semaines clés en main, faites le plein d'avantages. Prenez les clés et c'est parti. Pour réserver un essai, rendez-vous sur vanshop.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Vans, born to run. Moi, je suis une maman au top et surtout la reine des bonnes affaires. Mes courses de fin d'année, je m'y prends maintenant et je profite de l'anniversaire Maxi Toys. Tout est à moins 15%. Fini le stress pour acheter les cadeaux de mes enfants. L'anniversaire Maxi Toys, c'est du 15 au 20 octobre dans l'un de vos 30 magasins et sur maxitoys.be, voir conditions en magasin. Amir qui arrive dans un instant. Il y a des expressions qui viennent d'arriver au 30-18 qui sont magiques, je vous le dis. On va vous dire ça dans un petit instant, les expressions favorites. Avançons un point sur les routes, Aurélie, ce matin. Pas mal de ralentissements ce matin. Alors, sur le 40 en direction de Bruxelles, entre Asserode et Woluwe et Saint-Etienne, vous perdez 43 minutes. Sur le 411, comptez 31 minutes en plus entre Vereys et Oderghem. Sur le ring extérieur, ça coince entre Waterloo et Oulart. Comptez 33 minutes en plus, 20 minutes supplémentaires sur le ring intérieur entre Woutier-Bren et Bercel. Ça coince aussi sur le 19 entre Nivelles Sud et Haut-Ittre. Vous perdez 17 minutes. Enfin, au sud du pays, sur le 411, ajoutez 36 minutes entre Stockholm et Sterpenich. Énergie. tes problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Bonne matinée avec nous sur Énergie, 7h53 quasi. Dans un instant, c'est Paul Kless, Paul Polo, qui revient avec Suavemente. Ça va faire plaisir à réécouter ça, Polo. Paul Kless, dans un instant, c'est ce qui arrive sur Énergie. En attendant, ce matin, en ce lundi, pour bien démarrer la semaine, on parle avec vous des expressions favorites. Les expressions qu'on a. On n'a pas tous les frites dans le même sac chaud. Enfin voilà, les expressions belges, ce qu'on connaît. Vous nous dites 0800 234 56 pour nous appeler, ou alors le 3018 par SMS. Il y a des messages qui sont arrivés. On nous dit, Julien par exemple, ce matin, je vais brosser les cours. Brosser, c'est vrai ça, je vais brosser. Ouais. Tu peux te brosser, Martine. Ah oui, tu peux te brosser. Mon père il disait, tu peux te brosser pour la voir. Hein. Si t'es pas sage, tu te brosseras. Tu te brosseras. Ouais. Tu peux te brosseras. Il y a Erwin qui nous fait du latin ce matin. Ad vitam aeternam. Alors, j'adore comment il écrit Ad vitam. En même temps, je ne vais pas moquer de toi, je suis pire que toi. Il fait douf ici, nous dit Alex, quand il fait chaud. Ouais, c'est vrai que ça, on se dit ça. On dit ça, hein, quand il fait chaud, il fait douf, il fait chaud, il fait douf. Alors là, on va voir si vous êtes fort. Binamé, si je vous dis un binamé, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est un binamé? Non. Un binamé? Si, c'est quelqu'un qui est gentil, hein, qui est tout. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui est très gentil, un binamé. Mais c'est pas quelqu'un qui est trop gentil. Parce que tu vois, quand quelqu'un est un peu con, tu dis ouais, elle est gentille. Hein. Ouais, non. Ça, c'est un con, tout simplement. C'est quand même une expression. Elle est gentille, mais. C'est de la cacaille. Ah, ouais. C'est ça, je dis aussi. Ouais. C'est de la gnognotte, c'est de la cacaille. C'est. La cagnotte. Un truc. C'est un truc qui n'a pas beaucoup de valeur, quoi. Un objet, pas beaucoup de valeur. un objet gagné sur une fête foraine. J'adore la définition. Ça, bah, oui, évidemment, c'est de la cacaille. C'est pas de la cacaille, hein. Bah si. Non. faire une baise. Ah oui. Ah, une oui. baise. Ah, fais-moi une baise. Fais-moi une baise. Ouais. Il y a aussi Benjamin qui est là au standard ce matin. 0800 2 3 4 5 6. Salut Benjamin. Salut l'équipe. Salut. Salut. Mais ne serais-tu pas le Benjamin, notre ancien maître du duel? Ah ben si hein. Mais excellent. Benjamin, quelle est ton expression favorite? J'ai plein les poches. J'en ai plein les poches. Et celle-là aussi. Non. Non, c'est on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ah oui. C'est très drôle ça. Quoi? On va pas tortiller du cul pour chier droit. Excellent. C'est très poli. Ça signifie qu'on va pas tourner autour du pot, quoi. Ah, ok. Eh ben, je préfère celle-là, elle est plus jolie. Ouais, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ouais, la mienne, c'est un peu plus belge. Eh ben, merci d'être passé ce matin, Benjamin, on t'embrasse. Bon bisous à vous. Bisous. Bisous. Bisous. Et on finit avec Isabelle. Salut, Isabelle. Salut, salut. Salut. Isabelle, c'est quoi ton expression favorite à toi? Alors, moi, j'ai féminisé une expression, au lieu de dire je m'en bats les couilles, je m'en yoyote la touffe. Oh non! C'est pas très propre, mais ça fait un effet à chaque fois. J'imagine bien Kevin De Bruyne. Je m'en yoyote la touffe. Oui, c'est ça. Exactement, mais je joue pas au foot à moi. Eh ben, merci beaucoup Isabelle d'être passée, tu reviens quand tu veux. Bisous. À bientôt, salut les gars. Bonne journée, ciao, ciao, voici Paul Fessa. Mente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente. Bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Echate pa' acá. Dámelo. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto. Desde el rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Softly, you're all that I need. Tonight I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you to the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. And slow it down, don't change. Don't hurry, no. Let me feel your soul. Kiss me a little bit. Suavemente, this how I need it. Alright, alright, okay. Papi, papi, move it slowly. Alright, okay. Bésame. Suavemente, bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you're doing to me. Keep it suavemente. Ah, il touche à rien, Rudy Mantalan Marie qui arrive. Avec Major Lazer pour la suite de votre préférée, Let Me Live. Et restez là, 8h05, le retour du Duel Énergie. Je vais vous parler des records du monde aussi ce matin. Des records du monde, mais de chez nous, Made in Belgium. Ah. On pourrait être fiers et on pourrait vous la péter au bureau aujourd'hui en disant: mais tu savais qu'on est recordman du monde de... On est champion, ma gueule. On est champion quelque part, je vous le dis. Ah. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ya me he encontrado y sé que debo continuar. Sur Énergie, soyez les bienvenus, 669. Énergie. Le top. Prêt pour le savoureux concours des maîtres boulangers-pâtissiers ? N'en ratez pas une miette. Gagnez un an de pain croustillant. Info sur le sac à pain de chaque boulangerie participante ou sur maîtreboulangerpâtissier.be. Dans un instant, c'est le retour du duel Énergie à 8h05. Avant ça, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. On a quelques nuages ce matin avec un petit risque de pluie. Rassurez-vous, ça ne va pas du tout durer puisque cet après-midi, le temps sera généralement sec. On aura de très belles éclaircies, des températures entre 19 et 23 degrés. L'actu de ce 15 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les Belges avaient rendez-vous avec les urnes hier pour les élections communales et provinciales. D'une manière générale, le grand gagnant est écolo. Belle montée aussi pour le PTB, baisse par contre pour le MR, le CDH et le PS. Concernant les communales d'abord, dans le Brabant Wallon, le MR reste en tête à Wavre et Waterloo. À Namur, le CDH garde la première place. Dans le Hainaut, le PS est en tête à Charleroi, Tournai et Mons. Mons qui hérite d'un nouveau bourgmestre, Nicolas Martin remplace Elio Di Rupo. Dans la province de Liège, le PS conserve son avance à Verviers et à Liège. Et puis dans la province de Luxembourg, le CDH garde la tête à Bastogne. En Flandre et à Anvers, la NVA de Bart De Wever reste le tout premier parti. Du côté des provinces, le MR et le PS perdent des points, mais sont toujours en tête dans la majorité des provinces. De son côté, le PTB progresse, sauf dans le Brabant Wallon, où le MR est bien installé. Dans le Hainaut, le PS arrive largement en tête. Dans la province de Luxembourg, c'est le CDH. Pour la province de Namur, le MR est en première place. Et enfin, en province de Liège, c'est le PS qui domine. C'est une nouvelle semaine qui démarre. On est lundi, il est 8h04 quasi. Bonjour ! Bonjour ! Nouvelle semaine avec vous sur Énergie, c'est le 6-9. On est là, toute l'équipe est là. Les fufous du matin sont là. Il y a Tiffany qui est au standard. Bonjour Tiffany. Bonjour tout le monde. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Il y a Jérém. Rudak. Il y a notre ami Frisco qui est là aussi. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Tout le monde est là comme tous les matins. Le 6-9 au taquet. Il y a notre stagiaire aussi, Thomas le stagiaire. Le pauvre s'appelle Thomas, mais on l'a. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est, le mec s'appelle Thomas, mais on a décidé de l'appeler Thomas. C'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup plus doux, je trouve. Oui. Thomas, comme ici. Thomas, comme ici. Dans un instant, c'est le duel énergie qui revient ce matin. C'est vachement plus doux, hein. Ouais, beaucoup plus sympa, je trouve. Ça sent la joie. Ah, voici Rudy Mental avant le duel. Major Lazer, Anne-Marie, c'est le trio qu'on écoute maintenant. As I walk through the water, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Ça passait à une vitesse les matinées avec vous, sans déconner. Waouh! Ah, et ça n'a jamais passé aussi vite. Hein. À l'école, c'était long. C'était long. Ouais. Dean Lewis, c'est ce qu'on va écouter dans un instant, les copains. Nouveau hit, très beau hit d'ailleurs. Dean Lewis arrive. Avant ça, comme tous les jours, 8h05, vous le savez maintenant. Hein, c'est le rendez-vous incontournable. Le duel énergie. Et de retour. Le duel énergie. Avec un Carmelo au plus haut de sa forme. 1200 euros dans sa cagnotte. Carmelo qui est toujours marié, qui a toujours deux enfants. Enfin, j'espère. Bonjour Carmelo. Bonjour l'équipe. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut Carmelo. Il est au taquet. Hein. Ouais, alors, toujours marié? Toujours marié, toujours les enfants, toujours supporter de la Juventus. Oh le pauvre. Tous les matins. Le pauvre. Eh ben merci d'être là Carmelo. 1200 euros dans ta cagnotte, c'est le montant actuel que tu as en ta possession. Et ce matin, il y a quelqu'un qui va essayer de te faire tomber. Quelle est cette personne? Eh oui, tremble Carmelo, puisque c'est Michel qui vient jouer. Il travaille comme entrepreneur en bâtiment. Lui aussi, il est marié, il a un petit bout de chou, une petite fille de 8 ans qui s'appelle Rachel. Il est passionné de course automobile, il fait d'ailleurs régulièrement du karting. Et alors, petite anecdote, apparemment, il est champion de paix. Donc, tu peux trembler Carmelo, parce qu'il va t'enfumer et passer la vitesse supérieure pour prendre ta place de maître du duel. Carmelo, Michel, mais dites-moi, c'est un duel de jeunes ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Marco, bonjour l'équipe. Bonjour. C'est quoi cette histoire de champion de paix? C'était une matin, il fallait compléter la phrase, je suis champion de... Et finalement, j'avais envoyé champion, je suis champion de paix, je suis passé à la radio chez vous. Ah, ok, on a un super beau point en commun. Ça va. Alors, je vois que Michel, tu as une requête. Quelle est ta requête avant de démarrer ce duel ce matin? Tout le monde m'appelle Mich, donc je préférais utiliser Mich comme buzzer plutôt qu'un long nom Michel. Ça, on n'est pas d'accord, ça sera Mich. D'accord. Mich. Je veux bien que tu dises Mich pour buzzer, c'est plus sympa. Voilà. On avait hésité avec Michel, mais ça faisait trop long. Un peu plus long. Allez, on fait ça. Votre buzzer, je rappelle, c'est votre... Vraiment. Exactement, et donc ça sera miche-miche pour Michel. Ce matin, 5 extraits musicaux, il y a 100 euros à se faire par extrait, donc 500 euros à gagner tous les jours dans le Duel Energy. On va jouer ce matin avec des artistes portés disparus. C'est-à-dire? Ouais, ça veut dire quoi? C'est des artistes qui ont fait un hit et ils se sont dit c'est tout, je m'arrête là. J'ai tout donné. Ils en ont fait un, mais vraiment, enfin peut-être un ou deux, mais pas plus. En tout cas, il n'y en a que un qui est resté dans les mémoires. Une chose est sûre, on les entend plus aujourd'hui. Il va falloir trouver ces artistes ce matin. Je vous souhaite bonne chance, Michel. Bonne chance, Carmelo. Voici le premier extrait. Et il faut nous donner donc, du coup, le nom de l'artiste. Hein. Porté disparu. Voici le premier extrait. Bonne chance à tous les deux. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, Carmelo. Elle voit les choses. Wow, Carmelo, il est chaud. On t'écoute, Carmelo. J'ai confondu. Non, désolé. Mais donne une réponse. Trop tard. Mich-mich, ça arrive. Mich-mich, une idée? Aucune, malheureusement aucune. Non, c'est pas ça non plus. Bon, celui-là, il est chaud, je vais pas vous le donner, il est compliqué. C'était Colonel Reyes. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci, c'est pour toutes les Aurélie. Aurélie, hey. Et en plus, c'est ma fête aujourd'hui. Ouais, bonne fête. Vous savez que je l'avais engueulé, Colonel Reyes. C'est vrai. Je lui ai dit, il aurait pu quand même changer de prénom. Sorti en 2012. Ouais, c'est ouf. Colonel Reyes, un peu plus à droite. Ouais, bouge pas. Voilà. Oh. C'est dégueulasse que t'as fait, Marco. T'as pas besoin de faire ça pour qu'on l'entende plus, hein. Ce sont des artistes portés disparus qu'on cherche ce matin dans notre duel. Pour l'instant, 0-0 entre Carmelo et Michel, tout est possible. Voici le deuxième extrait. Bonne chance. Mich-mich. Et Chérie Paluna. Wow, Mich-mich, il est chaud. Oh. Incroyable. Chérie Paluna, bah, bonne réponse, Michou. Ça fait 100 euros. Abaisse-toi un petit peu. Abaisse-toi. Pas plus. Mais Michel chante avec moi. C'était bien, chérie Falouna. Ça fait un point pour Mich-mich. Et donc 100 euros ce matin. Attention, Carmelo, peut-être le détrônage ce matin. Au revoir. Oui, j'aime bien inventer des mots. Non, le détrônage, c'est très bien. Moi, j'aime bien aussi. Voici le troisième extrait. Nous cherchons des artistes disparus. Moi, j'ai entendu Mich-mich. Ouh là là, entendu Carmelo. Carmelo, j'ai dit. Bonjour. Là, les gars, c'est ouais, Maître Ripley, parce que là j'avais entendu c'est chaud. Avant Mich-mich. Je pense aussi que c'est Carmelo avant Mich-mich, mais on va se concentrer. Le seul moyen d'en être sûr, c'est d'écouter donc Maître Ripley, Maître Pige, hein, qui en fait va nous rejouer le moment. Concentration pour l'équipe. Écoutez bien, tendez l'oreille. On essaye de voir qui a dit en premier entre Carmelo et Mich-mich. Oui, j'aime bien inventer des mots. Non, le détrônage, c'est très bien. Moi, j'aime bien aussi. Voici. Attention, concentrez-vous. Écoutez, nous cherchons des artistes disparus. Pour moi, c'est Mich-mich. Ouais, je pense que c'est Mich-mich avant. Ouais, il faut être honnête. Mich-mich, on t'écoute. C'est Alizé. Alizé. Eh ben, ça fait 200 euros pour Mich-mich. Et quand je t'appelle en recherche, quand je me sens Mich-mich. Il est au taquet, Mich-mich, j'adore. Allez, on t'écoute, Mich-mich. Lolita, moi, Mich-mich. C'est moi par ma photo. Il est exceptionnel. C'est chaque fois que je lève les bras, il y a tout le monde qui s'en va. Michel Carmelo, bonne chance à vous. Pour l'instant, mon Carmelo, je suis désolé, mais là, t'es mal barré. Hein. Je te le dis, 2 points pour Mich-mich. Il nous reste, il reste 2 extraits, donc ouais, ça sent mauvais pour toi, Carmelo. Voici le 4e extrait, concentration tous les deux. Mich-mich en premier, on t'écoute. C'est la SketchUp avec un serrier. Avec avec avec quoi? À s'éveiller. À s'éveiller. À s'éveiller. À s'éveiller. Eh ben c'est une excellente réponse. Mais oui, c'est bon. Ça fait 300 euros pour Mich Mich. Il est magique, Mich Mich. La SketchUp à s'éveiller. C'est une bonne réponse ce matin, Mich Mich. Ça nous fait donc 300 euros dans la cagnotte. Carmelo, on est désolé, malheureusement, ton jour est arrivé. Ouais, ça dit, ça fait 1002 dans la cagnotte, c'est pas mal. J'allais dire, on est désolé, on t'offre 1200 euros. Ouais, c'est ça, attends, oh. Il y a quand même, c'est pas mal. Il y a quand même le dernier extrait pour l'honneur. Carmelo, Mich Mich. Voici le dernier extrait. Carmelo. Carmelo pour l'honneur. Allez, c'était pour embêter Mich Mich, hein. C'était Laurie. Pour embêter Mich Mich, et c'est une bonne réponse, c'était bien Laurie. Ouais. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. N'importe où Carmelo chante, alors. Vas-y, Carmelo chante. Et il refait les paroles, j'adore. Attends, ne bouge pas, bouge pas. Reste là, Laurie, oui, oui. Voilà, merci, on est content. Eh bien, nous avons ce matin un nouveau maître du duel. Et il s'appelle Michel. Bravo à toi, Carmelo. Cela dit, ça fait quand même 1200 euros pour chez toi à la maison, Carmelo. C'est une belle somme, c'est énergie qui régale. On t'offre 1200 euros, Carmelo, bravo. Bien joué, Mich Mich. Merci les amis, ça fait plaisir tous les matins d'avoir joué avec vous. T'as bien kiffé? Ouais, super, super, j'ai bien kiffé, c'était un plaisir de me réveiller avec la bonne humeur avec vous, c'est super. Eh ben, merci beaucoup, Carmelo, reste à l'écoute et tu reviens quand tu veux. Tu restes un maître du duel quand même incontournable, 1200 euros, c'est bien. Bravo, Carmelo, on t'envoie ça à la maison et tu reviens quand tu veux, à très vite. Avec plaisir, au revoir. Salut, Carmelo. Salut, Carmelo. Ciao, ciao, Carmelo. Et eh ben moi, je tiens à applaudir aussi très fort Mich Mich ce matin, qui devient notre nouveau maître du duel avec donc 300 euros. 300 euros. Ça démarre bien pour toi, Mich Mich. C'est bien, c'est un bon départ. Ouais. Bravo. Et eh ben Mich Mich, on se dit quoi? À demain. À demain, Mich Mich. À demain, Mich Mich. Le duel énergie. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist énergie. Playlist énergie. Hit music only. Et c'est parti. Voilà, c'est fini. Le mur est démoli. Va à la déchetterie. Oh, oh, oh, on mélange pas le fer et les débris. Hein. Trier les ordures. Et puis, un peu de lecture. Dis-moi, chérie, tu n'aurais pas oublié? Moi, oublié. Les voisins viennent manger. Mais t'as pas vu ce qui traîne? Quoi, la vaisselle? Mais on a une machine. Oui, sauf que t'allais la réparer hier soir. Mais là, c'est un peu tard. Oh... Incroyable, mon lit Beka. Une fois au lit, j'oublie tous mes soucis. Mon lit Beka, le plus bel endroit au monde. Dans votre matelas Beka, Geltex fait la différence. Découvrez tout sur la nouvelle technologie avancée de Geltex dans votre point de vente Beka ou sur Beka. Parce qu'on peut aller loin pour ses affaires. Marie, Serge, il faut boucler ce contrat. Et rester proche de sa famille. Hugo, Élise, il faut boucler votre ceinture. Skoda a créé l'Octavia Combi, le break le plus vendu en Belgique. En ce moment, en plus de son design, son espace, sa technologie et son confort, profitez d'un GPS gratuit. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. Chaque mardi dans ta région, découvre les métiers qui manquent aujourd'hui à nos entreprises. En une journée, participe à des ateliers très concrets, discute avec des formateurs du métier et rencontre des jeunes en formation. Les mardis d'avenir du Forum, c'est l'occasion de trouver la formation qu'il te faut pour décrocher rapidement un job.

Record du monde, mais de nos Belges à nous, des records de chez nous. Oui, parce qu'on a été recordman du monde dans pas mal de domaines, dont je suis sûr vous ignorez totalement l'existence. Et oui, monsieur. Bon, ça, forcément, c'est un record qu'on a un peu gêné, mais bon, voilà, on l'assume. Il est au Guinness Book des records. Le pays qui n'a pas eu de gouvernement pendant 541 jours après les élections du 13 juin 2010, souvenez-vous. Yeah. Félicitations, bravo! C'est nous, bravo, ouais. On peut s'applaudir, et ouais! Ça a été homologué par le Guinness Book quand même, ça c'est la classe. Hein. L'intitulé exact c'est record des jours sans gouvernement en temps de paix. C'est vrai. Pas le P, la oui, flatulence, hein, le oui, P, la PAX, quoi. La P, quoi. On va parler de pétanque. Alors, vous voyez, on a perdu contre les frouzes à la Coupe du Monde, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très très grave. Puisqu'on les a battus à la pétanque, les gars, mais oui, on a été sur leur terrain et on les a fait mordre la poussière. Et on remercie pour ça les Gilles de Bâche qui sont repartis en 4 équipes, en fait. Hein. Ils étaient répartis en 4 équipes de 3 joueurs. Et ils ont taquiné le cochonnet pendant 52 heures. Ils ont taquiné. Ouais, on sait ce qu'on dit, on taquine le cochonnet. Et ils appellent ça les Gilles de Bâche. Les Gilles de Bâche, ouais. Ils ont lancé des oranges au lieu des boules de pétanque, c'était plus facile. Et ils ont taquiné, ouais, pendant 52 heures. Et du coup, ils ont détrôné deux clubs marseillais qui avaient joué, eux, pendant 50 heures. Petit joueur. Bah ouais. Le nombre d'ascensions du Mont Ventoux en une journée seulement, eh ben oui, c'est la Belgique qui détient le record. On est un pays du vélo, on le sait, mais Betty Kals, c'est un de nos compatriotes, il l'a prouvé encore une fois. Il a grimpé, écoutez bien, 8 fois de suite, le mythique Mont Ventoux. Il est courageux, le mec. 8 fois de suite. Ouais, moi-même, déjà, un quart de fois, j'y vais pas. Moi, déjà, une montée ici, qui fait un peu 1%, là. Ah ouais, il est resté 24 heures sur sa selle. Il a avalé 331 km de montée. Hey, j'ai envie de dire, heureusement que t'avais une selle, mon pote. Il doit surtout avoir mal aux fesses. 24 heures sur une selle. Ah oui, ça fait mal. Hein. C'est vaut mieux une selle de compète. Hein. L'aéroport de Zaventem, je sais pas si vous savez, mais c'est un record en soi. C'est l'endroit où on vend le plus de chocolat dans le monde entier. Oh, c'est vrai. Le plus de chocolat est vendu à Zaventem. Incroyable. Ah, ouais, les gens passent, ils voient le duty free là. Hop, allez, tiens, on va ramener du chocolat. Exactement, monsieur. Un étudiant belge, on peut être fier de lui. Il a construit cette année la plus grande console Nintendo Game Boy du monde entier. Excellent. Pas mal, hein. Comment il a fait ça ? Qui fonctionne. 21 ans, un étudiant belge en design et technologique. C'est du tiens, allez, hop. Je vais créer une console portable, mais de la taille d'une table basse. C'est vrai que c'est pour aller en vacances, c'est un peu relou ta console. Quoi. Oui, c'est ça, quoi. Tu prends la place de ta voiture, quoi. T'as une galerie sur le toit. C'est ça. T'as pris. Oh, il y a juste ma console dedans, t'inquiète. Il faut combien de piles là-dedans ? Oui, c'est des RDD2 directement que tu dois mettre dedans. Et on finit avec un petit dernier. Ne faites pas ça chez vous, évidemment, ça fait mal. Un mec qui, en 1996, a tiré 8 wagons par la force et l'unique force de sa mâchoire et de ses dents. Sur une distance de 3 mètres. Oui, wagon, monsieur, juste avec les dents et avec la bouche. J'ai mal aux dents. Ouais. Qu'est-ce qui se passe un jour, tu te dis, j'ai envie de tirer un train avec mes dents? Oui, pas comme ça. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne. association de Vita et Slimane. Très beau duo. Jonas Blue, c'est la suite des hits dans un instant. Et un nouveau jeu s'appelle Google Hits. Restez là, ça vaut le détour. Café de ce lundi, ça arrive dans un petit instant après la météo. Quelques nuages ce matin avec un faible risque de pluie. Cet après-midi, retour d'un temps sec avec des éclaircies. Côté température, entre 19 degrés en Ardennes et à la mer et 23 degrés partout ailleurs. Je vais vous parler de Saint-Nicolas et du Père Noël dans les infos café, ça va être exceptionnel. Dans un petit instant, Jonas Blue côté IT a un point sur l'actu ce lundi 15 octobre. Et c'est Aurélie Adam pour nous informer. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Écolo est sans nul doute le grand gagnant des élections communales et provinciales. Le parti a réalisé de très bons résultats dans toute la Wallonie aux dépens du MR, du PS et du CDH. Autre parti à monter, c'est le PTB. Concernant les communales, le temps est maintenant aux discussions entre partis et aux éventuels partenariats. Pour entrer un peu plus dans les détails, le PS est le premier parti à Bruxelles-Ville. Dans le Brabant Wallon, le MR reste en tête à Wavre, mais aussi à Waterloo. À Namur, le CDH et Maxime Prévost conservent la première place. Dans le Hainaut, le PS est toujours en tête à Charleroi avec Paul Magnette. À Tournai avec Rudy Demotte et à Mons. Mons qui change de bourgmestre. Élodie Roupaud laisse sa place à Nicolas Martin. À Liège, le PS résiste au scandale Publifine. C'est la même chose à Verviers. Puis dans la région du Luxembourg, le CDH et Benoît Lugène gardent la tête à Bastogne, en Flandre, à Anvers. La NVA de Barthe de Wever reste le premier parti du côté des personnalités préférées en Wallonie. Paul Magnette occupe la première place du podium. Il a enregistré 22 475 voix en seconde position. On retrouve Maxime Prévost et ses 12 825 voix. Sur la dernière marche, on a Willy de Meyer et ses 11 293 voix. Enfin, vous avez aussi voté pour les provinces. Le MR, le PS et le CDH perdent des points. Mais malgré tout, le MR et le PS arrivent toujours en tête dans la plupart des provinces. De son côté, le PTB progresse à part dans le Brabant Wallon, où le MR est toujours numéro 1. Dans le Hainaut, le PS arrive largement en tête. Dans la province de Luxembourg, le CDH est le parti le plus sollicité. Pour la province de Namur, le MR reste en première place. En province de Liège, c'est le PS. Alors, des déjà 10 minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la voiture ? Tout ça pour écouter un peu plus de 6-9. Faites gaffe. Vous êtes accro, là. Le 6-9 sur Énergie. C'est le 6-9. 8h34 sur Énergie, bonjour ! Bonjour ! Dans un instant, c'est Jonas Blue. Enfin, même pas dans un instant, c'est tout de suite. Hein. On écoute ça maintenant et je vous donne les infos café à suivre. Ah. J'ai des infos café sur Saint-Nicolas. J'ai des infos café sur le Père Noël. J'ai des infos café sur un nouveau truc aux Jeux Olympiques. J'ai des infos café sur un film X. Ah. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They think we just drop out, living out. Dans un instant, Jason Derulo. Quel de dire au revoir. Ah bah nous aussi on va se dire au revoir dans quelques minutes. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite. Incroyable. Dans quelques instants, à la fin de l'émission, on fera un nouveau jeu qui s'appelle le Google Hits. Vous allez découvrir ce jeu, il est extraordinaire. On a demandé à Google de nous lire des paroles et il va falloir deviner le titre. C'est magnifique, hein. C'est à base de aucune ponctuation, aucune. Aucun rythme, on a trouvé pire que toi, Jérémy. C'est Google. C'est Google Traduction. Merci. C'est dans un instant, ça sera juste après les infos café de ce lundi. Bah oui, tous les lundis, 8h35, c'est les infos café. Et on va parler d'archéologues qui ont découvert la tombe du Père Noël en Turquie. Oh. Oui, carrément. Ils sont sur le point de résoudre l'une des plus grands, d'un plus grand mystère de l'histoire. Ils pensent avoir découvert en Turquie la tombe. Alors, c'est pas du Père Noël, c'est de Saint-Nicolas, pardon. Oui, les mecs qui mélangent tout. Ah. Pas pareil, hein, les gars. En Belgique, chaque chose a sa place. Ouais, ils ont déjà fait sa tombe avant que. Avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive. C'est fou, ça. Ouais, dans la province d'Antalya. Hein. T'as rien compris, c'est un saint, donc il est déjà mort. Il dit oui. Ah, c'est un fantôme. Là, cette fois-ci, on parle du Père Noël. C'est une agence immobilière qui a retrouvé la maison du Père Noël. Apparemment, elle aurait été construite en 1800. Je ne sais pas que le Père Noël était si jeune. Le chalet comprend notamment un atelier pour les lutins, 3 chambres confortables avec vue sur les montagnes, 12 moules à cookies dans la cuisine et surtout une profusion de guirlandes, de couronnes et de sapins de Noël. Voilà. Elle est à vendre, la maison ? Elle est ni à vendre ni à louer. Voilà, au suivant. On va aux Jeux Olympiques en 2024. Il y a les JO à Paris, vous le savez. Et il y a une nouvelle discipline qui devrait faire son apparition. C'est le ventre glisse. Mais non. Nous avons toutes nos chances avec Frisco. Attends, mais c'est une blague. Le mec va aller glisser très loin comme ça. Parce que j'ai une grande surface de ventre, c'est ça que tu, c'est pour ça que tu dis ça ? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Alors, il y a quand même beaucoup de critères à remplir pour pouvoir donner un dossier pour les Jeux Olympiques. Il y a 33 exactement critères, ça fait beaucoup, mais le ventre glisse coche déjà pas mal de cases. Donc, c'est vraiment envisageable. Oh, terrible. Ils en parlent sincèrement pour 2024. Alors, ils sont en train de négocier encore des trucs. Là, apparemment, donc, ils sont sur une bâche d'environ 40 mètres de long. La tenue obligatoire serait le maillot de bain ou slip de bain. Ouais. Voilà, donc ils se foulent pas trop. Et alors là, la grande question en ce moment, c'est de savoir quels produits ils vont mettre. Est-ce qu'ils vont mettre du liquide vaisselle, du savon, de l'huile ou du lubrifiant ? Voilà le gros débat du moment. Et est-ce que les gens, avant de se lancer, ils vont faire Ça peut être sympa. Réponse en décembre 2020 pour savoir si le ventre glisse sera aux Jeux Olympiques de 2024. Il faut une équipe nationale. On va en faire une. Mais ouais. Moi je suis chaud. Le problème c'est qu'ils vont devoir rajouter des mètres à la bâche parce que 40 mètres c'est pas assez pour Frisco. De large ? Non. Il va faire une sortie de terrain. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui a déjà tourné dans un film X ? Tiffany, oui, on sait, mais à part Tiffany. Mais enfin. Bah si, dans Moufette d'or. Non. Ah, je suis surpris. Toi ? Non. Oui. Bah, j'en rêve, mais. Hein, je remplis pas tous les critères. sachez-le, tourner dans un film X n'est pas un motif de licenciement. Ça s'est passé en France, une aide à domicile qui avait été licenciée pour s'être illustrée dans un film porno. Et un tribunal lui a donné gain de cause. Ah ouais. Eh ouais, son avocat a dit que c'était pas possible. Pas possible. Pas possible. Ah ouais, selon la justice, un licenciement qui repose sur aucune faute professionnelle. Voilà, un jugement moral de l'employeur uniquement. C'était un métier, hein, acteur porno. Évidemment, regardez, il y en a un qui s'est présenté là aux élections. D'ailleurs, a-t-il été élu, l'acteur porno ? Ce serait bien de le savoir. Faut aller voir. Ce serait très drôle. T'imagines ? Et puis enfin, on finit avec la maison la plus chère des États-Unis. Elle est à vendre, les copains. Ah, c'est la maison de Saint-Nicolas ? Là, je sais pas si elle est de Saint-Nicolas, mais en tout cas, elle est de Saint-Blindé, ça je te le dis. C'est la villa la plus chère des États-Unis qui va être mise en vente. La modique somme de 159 millions de dollars. Un peu plus de 137 millions d'euros. C'est en Floride. Ouais, c'est en Floride, exactement. Une maison de 5400 mètres carrés, 11 chambres, 22 salles d'eau, un garage souterrain qui peut accueillir 20 voitures, une piscine à débordement chauffée, 6 cascades, 2 plages. Il y a une cave à vin qui peut contenir 3000 bouteilles, un immense jacuzzi avec vue sur l'océan, un terrain de golf, un cinéma privé IMAX. C'est même plus une baraque, tu vois. C'est une ville. C'est un centre de voyage. C'est un truc de dingue. C'est la première au monde. C'est le premier cinéma privé IMAX au monde, d'ailleurs, dans cette baraque. Ouais. Elle a été mise en première fois à 139 millions de dollars, plus ou moins 120 millions d'euros. Elle n'est pas partie à l'époque. Tu m'étonnes. Et du coup, le propriétaire s'est dit, je vais refaire des travaux, comme ça, je vais la revendre plus cher. Comme ça, elle va toujours pas partir. C'est ça. Il a pas tout compris. Sans déconner. Et ça fait plaisir quand même. La maison, 22 salles de bain. Je sais pas ce que tu fais dans autant de salles de bain, mais. Je sais pas. T'invites. C'est une salle de bain par partie de ton corps. Oui. Ça, c'est la salle de bain des jambes. Ça, c'est la salle de bain de qui ? Ça, c'est la salle de bain de la tête. When you want some, you phone me. Don't leave me alone.

à ton avis. M'appelle pas, viens-moi. Je t'ai barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mix. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh, mes copines, oh, mes copines. Tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh, mes copines, oh, mes copines. Tu veux que bomba. Dans un instant sur Energy, 8h51, c'est Tanguy qui va arriver aussi pour la suite, pour votre playlist personnalisée. Bonjour Tanguy. Bonjour. Ah oui, la playlist partagée, Energy.be, pour faire votre playlist. Qui vient aujourd'hui faire sa playlist? Pénélope. Ah pardon. Pas de temps qu'on parle. Ouais, non, mais t'appelles Pénélope. Déjà au taquet. Ah, ouais. Pénélope, et ben ta playlist arrive dans un instant. Elle a choisi des bons titres, Pénélope, ce matin. Elle me fait trop rire. Ouais, elle est exceptionnelle. Bon, tu n'existais pas, il aurait fallu t'inventer. J'ai eu peur d'avoir été un peu inattentif pendant 2 secondes. Non, mais t'es toujours inattentive et à chaque fois t'es stressée. De... On joue à un nouveau jeu ce matin, ça s'appelle Google Hits. On a demandé à Google de nous lire des paroles et de nous faire de chanter. Car Google, oui, c'est chanter, vous allez voir, c'est incroyable. Très belle voix. Qui vient jouer avec nous ce matin? C'est Laurent qui travaille comme employé administratif. Il est marié, il a 3 enfants, Noah, Manon et Louise. Et puis il aime le judo, il est d'ailleurs ceinture noire. Attention, tremblez. Ah ouais, quand même, pas mal. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Ceinture noire, quelle dan. Oh, premier. Première dan, eh, pas mal quand même. C'est déjà pas mal à jouer off. Ah ouais, Frisco aussi, il a une danne blanche. Ouais, une danne noire, une danne... Tout ce qui est mangeable, moi j'ai. Oh là là, et ceinture noire, c'est pas mal, hein, ça fait bailler. Alors rappelle-nous l'ordre très rapidement, c'est blanc, jaune, orange, vert, marron. Bleu, marron, noir. Ah oui, vert, bleu, marron, ouais, c'est ça. Moi aussi j'ai une ceinture noire, mais pour tenir mon froc. Passe aux salopettes, ça tira mieux. Ouais, c'est ça. Aux bretelles. Ouais, les bretelles, c'est sexy. Laurent, on joue avec Google aujourd'hui. Google est notre ami. On lui a demandé de chanter des chansons pour toi, Laurent. Bon, tu vas voir. Il chante pas vraiment. Il chante pas vraiment, le Google. Hein, pas fouillé. À toi de nous reconnaître ces titres. On va te demander l'artiste et le titre. Si t'as les deux, c'est très bien. Mais si t'en as un des deux, c'est très bien aussi. Voici. D'accord, on va essayer. Le premier extrait, Laurent, c'est parti, vous pouvez jouer aussi avec nous ce matin. Ah, c'est le premier artiste. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour, j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurais simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu. Cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Facile. Si. Facile, Laurent. T'as pas d'idée? Propose du hasard, on sait jamais. Hein, le hasard fait bien les choses des fois. Je ne vois pas. Non, eh ben, c'est tant pis. C'est pour vous ce matin, les fifous. Vous voulez jouer avec nous? Vous envoyez jeu plus l'artiste qu'on cherche. Quel est cet artiste? C'est facile. Jeu plus la bonne réponse au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Écoutez, on réécoute. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour, j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Ah oui, c'est bon. Vous avez reconnu cet artiste, l'ancien dentiste. Vous envoyez ça par SMS. Jeu plus la bonne réponse au 78. On prendra le ou la gagnante au sort et on offrira un petit cadeau. Voilà, oui, j'ai envie d'être gentil. Deuxième extrait. C'est parti, Laurent, concentration. Ou Dja, il n'y a pas moyen, Dja, je ne suis pas ta catin, Dja, genre en Kachan à Baby, tu dead, ça, ou Dja, il n'y a pas moyen, Dja, je ne suis pas ta catin, Dja, genre en Kachan à Baby, tu dead, ça. Alors, à ton avis, Laurent, c'était qui ou c'était quel titre? Alors là. Ouais, le titre, c'est hyper pas, facile, hein, Laurent, là, faut pas être sorti de Saint-Cyr, elle l'a dit 20 fois. Ouais. Ouais, bah, déjà quelque chose. Déjà quelque chose. Allez, on va le prendre. C'était Dja de Aya Nakamura. Ou Dja, il n'y a pas moyen, Dja, je suis pas ta catin, Dja, genre en Kachan à Baby, tu dead, ça, ou Dja, il n'y a pas c'est moyen, Dja. C'est presque la même chose, en fait. Hein, c'est ça. C'est presque pareil, presque pareil. Ça fait un point pour toi, Laurent. Voici un nouvel extrait. Celui-là, il est facile. Gitano, elle color de mi ciel, gitano, le cœur qui bat sous ma peau, gitano, elle color de mi ciel, gitano, le cœur qui bat sous ma peau, gitano. Gitano, c'est du Jacques, ben oui! Gitano, elle color de mi ciel. Gitano, elle color de mi ciel, gitano, le cœur qui bat sous ma peau, gitano, elle color de mi ciel, gitano. Elle est tendue, hein, elle a le rythme dans la peau, elle incroyable. Elle a un métro à prendre, c'est tout. Ça fait deux points, Laurent. Allez, le petit dernier, c'est gagné pour toi ce matin. Nouvel extrait. On était beau pourtant sur accélérer sans frein. Il s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent quand on souriait pour rien. Il s'aimait trop pour s'aimer bien. Oh oui, ça te dit quelque chose. Elle a, oui, elle a complètement là. Oublié la ponctuation. Ah, pas de ponctuation, pas de on rythme. Ah oui. Ça si, ne te dit rien. Je l'ai, oui. Eh ben, je vous laisse aussi tirer les fifous ce matin pour vous. On était beau pourtant sur accélérer sans frein. Il s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. Ouais, facile. Hein. Vous l'avez. Vous envoyez duel, ouais, vous envoyez jeu plus la bonne réponse au 78, 100 euros le message envoyé et reçu. Ça fait deux qu'on doit vous donner à la fin du jeu, pas mal. Allez, jouez, pourquoi pas. Allez, le petit dernier pour le plaisir. Enfin, non, parce que non, t'es en galère, t'as deux, donc oui. Ouais. Il le faut celui-là. Allez, il est facile. Ça va. Non, peut-être pas en fait. Maintenant, tout ce qu'il me reste, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. Tout ce que tu laisses, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi. Ouais, juste ça, on a compris. Une photo de toi. C'est là qu'on se rend compte que le mec s'est pas foulé au niveau des paroles. Ah ouais, c'est ça. De quoi tu disais quoi, Laurent? Non, c'est vrai que ça s'est pas foulé. Il s'est pas foulé. Ah ouais, non, il s'est. Paroles, j'espère c'est que la chanson s'appelle Je voudrais juste une photo de toi. Ouais. Alors, à ton avis, quel est le titre? Peut-être. Juste une photo de toi, non. Ouais ouais. Ah bah, c'est un peu court, hein, c'est normal. Le mec s'est pas foulé. Eh bien, ça nous fait trois bonnes réponses ce matin, Laurent. Et on va pas tourner autour du pot. Enfin, comme je sais plus c'était quoi l'expression de tout à l'heure qu'on a donnée, mais c'est pas grave. Ça fait trois points gagnés, bravo. On t'offre du cadeau, la compil énergie, 4 places de ciné ou notre enceinte Bluetooth. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Laurent? L'enceinte Bluetooth. L'enceinte Bluetooth. Eh ben, on t'envoie ça à la maison, Laurent. Belle journée à toi, à bientôt. Un grand merci. Bisous. Salut, Laurent. Allez, tiens, Laurent, on va donner ceux que t'avais pas trouvé. Il y avait le premier. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Est-ce qu'il y a eu des bonnes réponses? Oui, évidemment. Oui. Eh oui, c'était Amir. Longtemps. Ben ouais. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Ah bah oui. Un jour j'oublierai toujours. Eh ouais, bah ouais, Laurent. Il y avait celui-là aussi qu'on n'avait pas trouvé. On était beau pourtant sur accélérer sans frein. On était beau pourtant. On était beau pourtant. Ah, c'était Louane. On s'aimait trop. Il y a quand même quelqu'un qui nous a envoyé Johnny Hallyday. Hein. Ouais. Pourquoi pas? Eh ben voilà, bien essayé, mais en tout cas c'est gagné, Laurent, c'est le principal. Belle journée à toi, à bientôt, Laurent. Merci, salut, Laurent. Ciao, ciao, voici James Arthur. Et dans un instant, on vous laisse entre de bonnes mains. Les mains de Tanguy. Elles sont toutes propres. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better,

Vous les choisissez. Faites votre playlist sur energie.be. They thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second. She would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them, oh no. We don't want them. We don't want them. We don't want them, oh no. I can't go on without you. I can't go on without you. Can't go on without you. So what's the point of breaking my sweetheart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So, see, you better hush and walk away. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Can't go on, won't go on, living on without you.